T'as quelque chose de fort, genre eau de vie, ou on commence à s'emmerder ferme, là. Si je me fête pas la gueule suffisamment tôt, ça va être très très long. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le demi-espace, dans le studio crasseux du Neudorf, où se réunissent les derniers spécialistes du football, de la tactique, des systèmes de jeu et bien sûr de la mondialisation du football et de l'immobilier. Petite rubrique immobilier de Calcio, je crois, à la fin de... Avec un grand quiz. Hein. Un quiz immobilier. Faut-il acheter maintenant, demain, hier? Ouais. Les bons plans maison à échoue. Voilà. voilà, on est grillé d'entrée de jeu. Alors, je commence. Calcio de retour. Egal, los zu. Ich hab kein Selbstzweifel, ich hab ne Pump, Chips, Zweifel, Packung in mir, plus ein, zwei Bier, plus muss sagen wie vier, aber hab nur zwei Hand. Kennst du die Band? Lass Bambala. Bonsoir. Bien sûr, notre spécialiste du Frérico, tu nous commenteras tout ça très très rapidement. Vu de la télé, effectivement. C'est le meilleur endroit. Le meilleur endroit, la chair de poule. Les corons, bien sûr. Les corons. Voilà, il a les coronets, c'est à tort. Je m'emmerde, j'ai mal aux yeux. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, bienvenue. Bon, un habitué. Allez, je continue dans le sens d'une aiguille d'une montre. C'est Roulian. C'est le chant des supporters. C'est le chant des supporters. C'est le chant des supporters. C'est le chant des supporters. C'est le chant. Bonsoir, Julian, les stars d'Eliana, évidemment. ils sont venus en famille, c'est la famille d'Arki, Jean-Pierre et Jean-Luc. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears and that's not nearly all tainted love. Blourg, bonsoir. Blourg, la famille. Blourg, la team. Et bien sûr, Blourg, la commu. Et ça fait aussi longtemps qu'il n'avait pas pu venir. Alex Cocor, salut. That's why I see. Salut Gigas, salut tout le monde, content d'être de retour. C'est temps comblé. C'est temps, exactement. Et bien sûr, et c'est moi qui me présente, et bien sûr moi-même, Rachmaninov. D'accord, et en plus de Rachmaninov, il est là, il est avec nous, vous avez entendu sa voix. Le meilleur, tout à fait, notre guide, notre modèle, notre template. Notre MC. Tout à fait, c'est bien sûr MC Gigas. Mets-toi dans la prison, mets-toi dans la prison, mets-toi dans la prison. Il n'est pas encore président du club. Pas encore. Non, mais Je bosse dessus. Il prépare son coup. Il y en a un qui n'avait pas préparé son coup, c'est peut-être Patrick Vieira à Lens. Le Frérico. Jean-Michel Transition. Ouais, ouais. Le Frérico, encore des grands moments de partage. Je pense que devant ta télé, tu trinquais. En, peut-être si tu as une sœur, elle était là aussi. Tout le monde était là, effectivement. Ouais, un grand match, hein, comme d'habitude, un grand moment. Hein, et puis. Sans compter les photos, les vidéos dans les bars, dans les boîtes de Lens, hein, la nuit a dû être assez agitée. Hein. Ce que j'ai entendu, pas, enfin en tout cas, pas pour fêter la victoire du Racing, enfin fêter la victoire de l'autre Racing. Transition, génial. Le score, 3-1. Moi, la seule chose dont j'ai envie de parler, c'est qu'on m'a dit, ouais, mais à partir du moment où on perdait 2-0, on a fait un bon match. C'était un peu l'analyse. Jusqu'au troisième but alors. Bah ouais, c'est un peu ça. Ça a duré 10 minutes. Mais c'est bien, c'est 10 minutes sur 90. Est-ce qu'on peut faire un bon match quand on n'est jamais dans le match, en fait? Est-ce que courir après une carotte, c'est faire un bon match? Je me rappelle du match, là, je suis désolé. Ouais. On relance Eli Wai, on prend un doublé d'Eli Wai, il avait pas marqué. Mais c'est bien, parce que je l'avais sur mon petit gazon. Hein, non, il y a juste un but d'Eli Wai. Hein, il a marqué l'année, en fait. Ah. Il a dû marquer 4 ou 5 buts dans la saison, dans le jeu contre nous. Non, il était à 3. Je crois qu'il était à 3 buts. Hein. Ouais, mais deux contre nous. Il marque le premier but, c'est ça? Il marque le premier, ouais. Et il fait une passe sur le deuxième. C'est Pereira da Costa à la passe, Wai au but, et l'inverse au deuxième. Sur une erreur de Silla, hein, le troisième but. Hein. Ouais, bien et sûr. Les internautes iront revoir le but. Et un but de laine, quand même. Ouais, un but de laine, exactement. Oui, un but de laine. À la 43. Mais un vrai, validé. Son premier. Ouais, son premier. Avec le Racing. Le club de Lens, puisqu'il est formé chez le Racing. Lui, c'est vraiment une incarne au mieux en ce match, hein, quand même. Le Frérico. Bah, voilà, on va dire que le Frérico, c'était de laine. Donc, pas super sympa, mais c'est pas grave. Juste un truc quand même étrange sur ce match, c'est qu'on a plus de XG que Lens. Ça, c'est vraiment étrange, ouais. Mais on fait un bon match, hein. On fait un bon match, après. Disons, on se procure des occasions. Voilà. Ouais. Et alors que eux, visiblement, sont très efficaces, parce qu'ils ont 1-6. De X-Go. De XG. 3 buts. Mais si on leur en donne 1, déjà, ça fait 2,6. Ça, c'est vrai. Et nous, on a 1,8. En tout cas, à cette époque-là, on est dans la lignée des matchs précédents, c'est-à-dire qu'on se procure des occasions. On n'est peut-être pas assez efficace pour gagner des matchs, mais on se procure des occasions. Comme contre le PSG. Donc, on se dit, et puis on joue contre Lens, qui était, je sais pas, 4e ou 5e, non, ils étaient en train de remonter, là, ils étaient sur une bonne série. Voilà. Donc, on se dit, bon, bah. Finalement, ça paraît logique, on perd contre une équipe qui est mieux classée que nous, qui joue a priori mieux au foot que nous. Mais on s'est procuré des occasions, c'est plutôt annonciateur d'un bon match pour le match suivant, qui est réceptionné à la Méno. Un relégable. Qui est tout nul. Qu'on a tollé quoi, en novembre ou en décembre? En décembre, on avait tollé l'Orient. Ouais. Qui était au truc, et donc du coup... On... Là-bas, ouais. Et du coup, on affronte l'Orient, on reçoit l'Orient plein de... D'espoir. Et puis en plus, l'Orient, eux, contrairement à nous, ne s'est pas renforcé pendant le mercato. Oh si, mais si, justement. Ah bon? Tu veux dire que nous, on ne serait pas renforcé et que l'Orient se serait renforcé? Ah, c'est possible. Mais ils ont recruté un très bon joueur qui vient d'Autriche. Enfin, d'attaquant qui vient d'Autriche. Parfois, ça marche. Comment il s'appelle de nouveau, j'ai oublié. Bamba. Mohamed Bamba. Et alors, est-ce que qui a égalé un ancien joueur du Racing, hein, qui avait aussi marqué pour ses 4 premiers matchs? Oui, l'Israélien, comment il s'appelle? Ouais. 73, quelque chose comme ça. Ah, un Spiegel. Il y aura Spiegel. Ah, pardon. D'accord. Ça sera en fuse après, je suis sûr. Ah, pardon. Ah, voilà. Eh ben non. Mais est-ce que si un mec marque, genre, contre nous, est-ce qu'on peut dire qu'il fait un bon début ou c'est juste de la chance? Non, c'est normal. Enfin, c'est vrai. Non, mais il était à 4 buts. Mais il est toujours à 4 buts maintenant, c'est ça? Non, il continue à marquer. En fait, je regarde pas les matchs de Lorient, je sais vous. Même ceux contre le Racing. Déjà que t'as du mal avec ceux du Racing, ouais, alors. Il a 22 ans. Donc, vous êtes en train d'insinuer que la cellule recrutement du Racing, qui a supervisé depuis de très nombreuses années Emmanuel Emega, se serait trompé de goleador dans le championnat de la Bundesliga. Tu parles de Lauren Stewart? Je parle du service recrutement du Racing Club de Strasbourg. Je te laisserai mettre les noms des personnes que tu veux derrière, mais en tout cas, on se serait donc trompé de goleador. Bah, autrichien. Il est arrivé en Autriche l'été dernier, en fait. Il joue en Israël. Ah, c'est pour ça, on n'avait pas le réseau israélien. Ouais, c'est pour ça qu'on a raté. C'est dommage. C'est plus cher, c'est pas dans l'abonnement. Mais c'est... donc, un truc sur le match ou pas? Bah, on prend une branlée quand même. Ouais. Belle branlée. Une belle branlée, ouais. Un rouge à la 95e, ouais. Ça c'est toujours bien. Ouais, ça fait aussi toujours plaisir. Ouais. Un rouge qui où la commission de discipline a été clément. Sympa. Plutôt clément parce qu'en plus il y va pour découper, bah ouais. Quoi. Hein. Non, mais tu l'avais annoncé, il n'y aurait rien. Mais, ou presque. Il dégomme quand même. Le joueur l'orienté. Ah, Isaac Touré. Isaac Touré. Pour l'ensemble. Ah, mais j'adore. Non, moi j'adore ce genre de comportement. Le mérité. Non, le comportement de Touré ou le comportement. Le comportement de Touré, c'est génial. Horrible, ce type. Mais non, mais quand il se relève, il fait le 3-1 devant un tribune, ouais. C'est génial ça, moi. Oui, ça. Des joueurs comme ça. D'accord, mais. Donc pour l'ensemble de son œuvre, il a mérité. J'aurais été un peu déçu qu'il n'ait pas été blessé. Mais on perd 3-1, effectivement. On perd 3-1 sur un but, on prend le premier but à la première minute, sur deuxième. Une sortie de Bélarouche. Bon. Bah, qui tombe sur Perrin, c'est ça. Il relâche la balle en tombant sur Perrin. Ouais. Qui tombe sur Perrin. On l'a bien vu. Alors il ne peut pas grand-chose, mais un gardien un peu plus expérimenté, c'est vraiment pas dit qu'il le prenne, celui-là. C'est pas un peu l'espèce de note dans le cahier de le bulletin de Bélarouche et il peut pas grand chose tu vois à la fin de la saison genre en fait il aurait dû être en CP bon bah là il est en 6e forcément c'est un peu dur pour lui ouais mais normalement il avait un avenir brillant bah si on le laissait encore un ou deux ans jouer à Dijon progresser être prêté balancer comme ça un gardien du jour au lendemain alors qu'il est pas prêt bah c'est pas le rendre service comme beaucoup de joueurs. De Best, oui, il était plus. Oui, mais il était quand même nul. Manifestement, au club, ils n'ont vraiment pas le même avis que toi. Hein. Hein. Ils ont fait visiblement une réunion de crise. Si on lit la presse, on lit la sainte parole biblique. Mais ce qui était le cas, oui. Et se dire, il est absolument prêt. Et Cassard, là-dedans, après, il valide en disant, non, il est prêt, vous pouvez y aller, vous pouvez vendre les bijoux de la famille. On ne va pas demander à Dijon de chercher Romain Risser, pas du tout. Non, jamais. Non, mais ils ont essayé de chercher Risser. On l'a dit, je crois. Oui, bien sûr. D'ailleurs, si on l'a pas dit, on le dit. Ouais. Mais notez-le. Après, ils ont pas le choix. Ils auraient pu avoir le choix, mais en fait, celles où ils se barraient, le club a dit bon, bah, c'est 10 millions d'euros, on prend. Quel club? Ah, il y a toujours cette déclaration de celles qui dit les dirigeants de Nottingham ont discuté avec les dirigeants de Chelsea. Bon. Ouais. Après, Marc Keller te dit que voilà, c'est lui qui a dit pour service rendu, je te laisse partir. Bon. Là. Mais après, Fels brigant une place à l'euro, il aurait été très facile de le retenir. Mais évidemment, enfin Brest l'a fait. On a dit au dernier Rochetoube. Même le gardien de Brest qui a dit. Bisotte. Oui, c'est ça. Enfin, il a dit, Forest, ils ont approché, mais bon, enfin le timing n'était pas bon, je sais pas, blablabla. Et d'ailleurs, il me disait même, je comprends pas que Fels soit parti. Ouais. D'ailleurs, bon, quand on aura fini avec Laurent, on parlera de Brest, hein, c'est spoiler. Mais Risser, ça resterait à peu près la même problématique. C'est-à-dire qu'on propulserait un jeune absolument. Oui, c'était pas rendre service à Risser. Mais lui, il est déjà numéro 1 en ligue professionnelle. Donc, s'il a quand même. C'est là où. Bélarouche, il a jamais joué professionnel. Enfin, Ça aurait été la même situation avec Risser. Et Risser, il est 2 ans plus jeune encore. Ah oui, Risser, il a 19 ans. Il est décembre 2004. Mais le constat sur les gardiens, tu peux en fait l'élargir à d'autres jeunes joueurs du centre, là, parce que Risser, effectivement, on le laisse à Dijon, moi je pense que c'est la bonne solution, c'est l'étape qui paraît la plus naturelle dans la progression d'un joueur, il va faire ses preuves petit à petit dans la division, avant de monter, d'arriver chez nous, et Bélarouche, il est balancé comme ça, je pense pas que c'est lui rendre service, il y a une partie du public qui l'a un peu pris en grippe, là, alors de la Ouest on l'entend peut-être pas trop, mais de l'autre côté du stade, il s'est bien fait siffler récemment. Et bah tu peux étendre la réflexion à d'autres joueurs, des joueurs qui sortent du centre, qui sont tout de suite propulsés, qui ont un rôle tout de suite important, qui sont des titulaires en puissance, mais qui vont tout de suite être beaucoup plus proches de l'équipe première que ce qu'ils auraient été si on avait été dans une petite. Il y a un exemple, c'est Aboubakar Ali qui est de 2006, qui a fait un moment où il a commencé à jouer, mais ça sera un peu après, mais on va en parler tout de suite. Au moment où il a joué en équipe première. Il avait fait 6 ou 7 matchs en équipe réserve. Et 2006, donc il est balancé tout de suite, même pas majeur. Il y a un mec un peu connu à Strasbourg, il s'appelle Patrick Vieira, je ne sais pas si vous voyez. Oui, mais c'est l'exception, ça. Et Patrick Vieira, il a dit, par rapport aux jeunes joueurs, en interview DNA, il a dit ces joueurs-là, ils compensent leur jeunesse par de l'intensité, mais ils ne sont pas prêts à jouer en Ligue 1. On parle de l'entraîneur de Strasbourg, qui déclare en conférence de presse, ces joueurs ne sont pas prêt. C'est l'entraîneur qui parle, c'est pas n'importe qui d'autre. Donc, c'est le même entraîneur qui dit, il nous faudrait plus de joueurs comme Kevin Gamero. Ouais. Oui, et il manque d'avance aussi. Mais il le raconte à longueur d'année. Après, on en parlera un petit peu plus loin. Peut-être qu'à 200 cas par mois, tu ranges tes demandes, tu les plies bien dans la poche et tu les mets dans la poche arrière du pantalon. On en parle après. Mais voilà, je vais pas pour. Il y avait une banderole qui reprenait ses propos. Oui. Je ne sais plus contre. C'était contre Brest d'ailleurs, non? C'était contre Brest. Ouais. Est-ce qu'on parle encore un petit peu de Lorient? Ouais, juste Lorient. Le match contre Lorient peut souligner la première apparition en pro de deux joueurs. Il y avait André Santos, le fameux joueur prêté par Chelsea. La pépite. Qui joue quand même pas beaucoup hein, pour une recrue. Aussi là, il a joué. Un autre joueur qui est apparu, c'est Rabi Nzingula. Oui, oui. Voilà. Qui a fait une belle entrée. Oui. Bah, qui était bien formé. Ouais. Ouais, mais Racing. Mais c'est à propos de ce jour-là que Vieira disait il compense entre guillemets un truc parce qu'ils sont pas prêts. Rabi, quand il est rentré, il a couru comme un poulet sans tête sur tout le terrain. Il a mis des taquets à tout le monde. Et, c'est Rabi. C'est, voilà, il a mis vraiment. Danse, Rabi. Non, mais il fait les mêmes en réserve. Hein, il met des taquets partout, il court partout. C'est un peu. Ça part dans tous les sens, mais c'est pour compenser le fait que ces gamins, ils sont perdus. Quand t'arrives en Ligue 1, t'es perdu. Du coup, le moindre truc. Alors, et tu peux le faire quoi sur, comme il court partout, il peut le faire 15-20 minutes, il peut rentrer qu'en cours de match. Voilà, c'est une gestion à mon sens à la petite semaine quoi. Un tifo, la cité des enfants perdus, ce serait trop peut-être pour les. C'est beau. Peut-être on va contacter le département tifo des ultras, des Illuminati hein, qui dirigent le club. Ceux qui fomentent depuis des générations la prise du pouvoir. Hop là, après cette défaite contre l'Orient, le Racing a la chance de d'enchaîner à domicile. Alors, par contre, c'est vrai qu'on a oublié un truc dont personne n'a parlé à la conférence de presse d'avant match, à part attendre un petit peu avant. Je sais plus où passer Lyon. Il faut qu'on dise qu'on a été éliminé. C'est après Brest, parce que Bakua prend le match et il se fait expulser contre l'Orient. Oui. Okay. Donc on peut faire Brest, après on parlera Lyon, j'intercale. Donc on reçoit Brest, là on se dit bon Brest, l'équipe en forme, mais c'est peut-être un feu de paille. Ouais, bien sûr. C'est peut-être l'occasion, un samedi soir, la Meno, le Racing, pas favori. Et on a perdu 3 fois de suite, jamais. On n'a pas perdu 4 fois de suite. Lyon, on dit juste qu'on a perdu point. Non, c'est après. Merde. On dira qu'on a perdu. D'abord Brest. On n'a pas perdu. Ah, Lyon, c'est match nul. Ah ouais, on n'a pas perdu, c'est vrai ça. Brest. Super. Vraiment super. Moi, je cite cette. J'ai rencontré un supporter de Brest par hasard complètement avant la veille du match. Hein, puisqu'on avait réservé sur la même table dans le même resto, vraiment hasard. Incroyable. Et le mec n'y connaît pas grand chose en foot. Hein. Il travaille chez Leroy Merlin, il se reconnaîtra. Et il me dit, mais pourquoi vous avez vendu Matsels? Naturellement. Ouais. Mais moi, le seul joueur que je connaissais à Strasbourg, c'était Matsels. Je comprends pas pourquoi il est parti. Et je lui dis, écoute, moi, non. Moi, je pense que c'est à cause de l'ambiance toxique. Ah ouais. Qu'il s'est barré. Mais bon. Voilà. Et on peut introduire le match. Parce que le gardien de, on a un petit peu introduit, le gardien de Brest, lui, n'est pas parti. Alors, il jouait pas ce match-là. Il était suspendu. Voilà. Exactement. Ouais. Et oui. Mais il n'est pas parti quand même. Mais il n'est pas parti, il est toujours là. Ouais. Je ne connais pas le gardien. Il n'est pas parti faire le déplacement à Strasbourg avec son équipe. Ah non, c'est pas Bizotte. Si, c'est Bizotte, oui. Ouais. Voilà. Et à Brest, son appart à l'Anglais-Élec. Donc là, très bon, très rapidement, on comprend que l'exploit, les 4 buts au fond des caisses, ils ne seront pas là. Match à sens unique. À la demi-heure de jeu, un but. Madi Camara, milieu défensif. Un deuxième but de Madi Camara. 7 minutes après, milieu défensif. Là, le match est un peu plus. C'est la mi-temps. C'est la mi-temps. Et on se dit, là, moi, je vois les gens dans le COP qui. Il y a des gens qui se disent, qu'est-ce qu'on fait? Tu vas parler de complot, là. Ouais, là, hein, là est-ce que c'est le moment De balancer le truc, quoi, ça, ouais. Lancer l'opération. Voilà, ou pas. Et en fait, non, deuxième mi-temps, le COP. Reste là. Mais pénalty à la 60e minute. La 60e minute, il marque le pénalty à la 60e, donc après, tous les atermoiements précèdent. Sans doute, c'était tellement. Alors, le Racing a joué comme une merde, autant ce pénalty-là, il est quand même. C'est scandale absolu, quoi. Oui. Le ballon sort, enfin. Mais c'est rien qui va. Ils ont corrompu l'arbitre pour préparer. Un arbitre de la VAR, ça touche combien? Ah, j'en sais. C'était dans l'équipe ce matin. Je crois jamais l'arbitrage. Tu repars 200 000 euros. 1 000 euros par match quand tu es arbitre de la VAR. Ah ouais. Bon. C'est le moins bien payé. Ah bah oui. Un match arbitre sifflé Ligue 1, arbitre central, c'est 3300, un truc comme ça. Et quatrième arbitre? Enfin, ils disent pas, l'arbitre de touche, on est plus bas, on est à 2000. Ouais, bon, après, tu veux comparer avec les joueurs? Et un arbitre femme, ça gagne combien? 100 balles? Oh, bon. À peu près. Déjà, elle devrait être en mettre, là. Elles doivent payer, hein, pour arbitre. T'as un fixe. Ouais. Hein, t'as un fixe que tu rajoutes à ça? Oui, non, mais après, ouais, ça va. Oh, Adrien Lebeau qui rentre à la quatrième. Oui, mais c'est ça, bien sûr. En fait, mais personne n'a vu. Déjà, Bah oui, on n'était pas plus là, mais ouais. Il y avait Kenny Lala et Jonas Martin dans l'équipe quand ils ont fait rentrer Adrien Lebeau. Je pense que les ultras sont partis. Mais je comprends. Non, par contre, Judas Martin, au début du match, chaque touche de balle, il se faisait siffler. Tout à fait. Et après, les gens sont partis juste. Ouais, parce qu'après le pénalty, on reçoit l'ordre 66. On sort tous le complot en marche. C'est bien 66, toi. Ouais. Ah, merci. Et voilà, il y a comme des robots. Moi, j'adore Star Trek. Ouais. Personnellement. Donc, on sort tous comme des zombies. Il faut parler de ça. Enfin, ouais, ceux qui n'ont pas vécu ça. Et donc, là, au troisième qu'est-ce but, qui s'est passé? Il y a pétage de plomb, des ultras, je pense. Ouais. Alors, moi, personnellement, dans le complot, moi, j'étais déjà dehors. Oui, c'est ça, toi, t'as pris de l'avance. Mais est-ce que t'es rentré? Au début, je me suis dit, les gens sortent, je vais rentrer. Il y aura plus d'acoustique pour que t'aies reculé. Mais non, je suis resté dehors. Non, mais quel était le message du capitaine? Quel est le projet, hein? C'est la banderole qui a été affichée en sortie. Il y avait eu cette banderole sur le recrutement, donc une citation de Patrick Vieira. Oui, tout à fait. Je sais pas comment le lundi matin, la machine à café, c'est quand Marc Keller vient discuter avec toi. Bah alors, Patoche, on parle dans la presse? Pas du tout. Bah, on parle dans les tribunes, Patrick, là. J'ai vu votre... Très belle machine à café au club, d'ailleurs. Ah. Mais donc on se barre, les gens sortent de la tribune, sur la plateforme, se retrouvent sur la plateforme devant, enfin derrière en l'occurrence, des champs, nombreux champs. Contestataires. Des champs qui étaient assez négatifs par rapport à la direction en effet, et par rapport à Blouko surtout. C'est pas justifié. Ah, ça dépend du point de vue. Mais effectivement. Et puis sinon, une belle occasion de discuter avec des gens que j'avais pas vu depuis longtemps, pour ma part. Jean-Éric Cantona, le showbiste, un peu. Le showbiste, bien sûr. Mais les deux étaient là. Oui, les deux, tout à fait. Non, et puis finalement, personne n'a vu la suite, quoi. D'ailleurs, il n'y a pas eu de suite, en fait. Oui, Parce que le score original est sans appel, j'ai envie de dire. Ouais, 3-0. Triplé de Madi Camara, premier triplé de sa vie. On prend un triplé d'un mec qu'on a fait tomber avec Saint-Etienne il y a quelques années. Je pense que les mecs de Saint-Etienne, ils nous en veulent. Hein. On en parlera dans deux matchs. Tu dis ça pour Silla ou... Non, je dis ça pour Nordin. Qui marque contre Strasbourg. Ouais, donc, c'est une malédiction, c'est genre ça. Bon, enfin, quand même, on pourrait noter Adrien Lebeau qui rentre. Je vais pas le redire, mais. Non, mais il faut le dire. Mais c'est bien. Parce que il avait quand même joué 18 minutes avant, je crois. Mais il joue pas beaucoup, mais il a du temps de jeu. C'est bien de voir dans un effectif. Ah, bah là, il a 6 minutes. Petite parenthèse. Je pense que c'est un troll de le faire rentrer. Kurzawa, donc, il peut palperait 500 000 par mois. Il joue que 8 minutes au PSG. Il joue encore Strasbourg. Mais là, je joue contre Strasbourg. Il est rentré. C'est un ratio plus faible que Persich. Ouais, mais Et personne peut battre Persich. Ouais. Ah peut-être. Et donc là c'est la première. Quatrième défaite de suite. Quatrième défaite de suite, première sale à la suite. Oui, oui, oui, oui, oui. Première salve un petit peu acide du COP. Première contestation. C'est pas la première fois que le public quitte. Méno, mais c'est la première fois où ça se voit. Ouais, parce qu'il y avait le COP est parti à 62e minute de jeu à peu près. Après, pas tout le COP, hein, parce qu'il y a des traites dont on a les noms. Oui, mais par contre, tout le reste du stade, ça s'est vachement bien dégarni. Alors moi, je suis resté peut-être jusqu'à 80e minute. Mm-hmm. Faire mal. Parce que j'aime bien me faire mal avec le Racing, mais la tribune nord était déjà à moitié vide. Enfin, Alex, je sais pas si... Oui, tu étais parti. Oui, oui, non, mais j'étais pas là. D'accord. Bah, ouais, tu as déserté ton siège. Mais le stade, tu l'as peut-être revendu sur la plateforme de revente du club. Oh, non, je l'ai offert. Sans passer par la plateforme. Je trouve que c'est un beau cadeau. Attention, c'est ICS. Attention, ouais. Mais la plateforme, là, j'ai jamais autant réussi à avoir des billets facilement. Ouais. Il y a un nombre de ventes, parce que j'ai un type dans ma famille qui est pas abonné. Shame, c'est horrible. Et c'est tellement facile maintenant d'avoir des billets. Il y a des pages. Parce que c'est le 250e match à guichet fermé. Mais il y a des pages et des pages. C'est très facile. Pas facile. Très facile, c'est peut-être comme on voyait cette ce quart de finale Lyon-Strasbourg. Les Lyonnais pensaient peut-être que ce serait une partie facile contre un club à l'abandon. On pouvait se dire, on refait une 2000-2001. C'était 2017 en Coupe de Ligue, non ? 2019. Sachant qu'à chaque fois qu'on a battu Clermont chez eux en 16e, on gagnait la compète derrière. C'est-à-dire deux fois. C'est-à-dire deux fois sur deux. Statistiquement, c'est énorme. Mais 100%. Alors, ouais, alors les Lyonnais, est-ce qu'on peut. Alors, moi j'ai une question, est-ce qu'on peut dire que Lyon a triché au mercato ? Ah bah, après, ils ont recruté des joueurs au mercato. Oui, mais quand t'es interdit de recrutement, est-ce que c'est. Parce que... Bah, c'était pas interdit, c'était encadré. Par contre, ils ont recruté un mec de 35 ans. Qu'est-ce qui se passe ? C'était encadré, ils pouvaient mettre jusqu'à 3 milliards, mais pas plus. Voilà, et donc, alors un match qui est engouement, gros engouement, plus de 600 Strasbourgeois, dont attends. 692. 692, exactement. Voilà. Et un hommage à Thierry Loret pendant le match. Ah. Ah bah oui. Un match comme ça où tu mets le bus devant le but, tout le match. Magnifique. Ça, c'est des matchs à la Thierry Loret. Et Thierry Loret a fortement apprécié l'hommage qui a été fait. Et il gagnait beaucoup moins de 200 000. Déjà. 220 000. Hein. Mais c'était. C'est une purge. Hein. T'as Strasbourg qui est devant le but, qui fait que dégager. On a passé quoi, deux fois le milieu de terrain, enfin, c'était... Oui, on a vraiment une ligne de 5 derrière. Ouais, ouais, c'était lamentable. Mais pour autant, Lyon n'a pas non plus 70 000 occasions, hein, pour le coup. Bah oui, bah, forcément. C'est efficace. Hein. Ouais, mais après, c'est quand même minimaliste. Tu te dis, bon, comme on a quand même un gardien qui a arrêté de temps en temps un penalty, on va aller au péno, quoi. Ah, ouais, personne n'a vu, puisque le réalisateur. Enfin bref. Le pénalty arrête. Ce qui est con, hein, parce qu'on a joué pour attendre les pénaux pour finalement les perdre. Ouais, c'est ça. Bon, je pense qu'on peut effectivement fast forward ouais, jusqu'au péno. Ouais. Mais on peut quand même noter qu'il y avait un spectateur dans les 692, il faisait pas partie parce qu'il était pas dans le parcage, dommage. C'était notre ami Bédad qui était présent contre Lyon. Ouais. Il s'est régalé. Bédad Iqbali. Tu regrettes pas tes 100 millions d'euros? J'espère que Marc Keller lui va expliquer un peu les règles quand même. Il suit les matchs de foot parce qu'il peut. Ah non, c'est son troisième, quatrième match déjà. C'est peut-être pour avoir des tuyaux d'un expert comme Texas. Non, mais quand t'as 0-0 et il se passe rien dans tout le match, il doit quand même se dire putain, c'est quoi ce sport de Mongolia. Do you make a lot of money? Et c'est sûr, par rapport au basket. Ouais, un peu moins. Il y a un peu moins de panier. Voilà, c'est un peu moins sympa. Et après au penalty, bah. On a quoi ? On a nos joueurs expérimentés qui ratent tout de suite. Qui rate tout de suite. On a plié le match. Ouais. On a plié le match dès le premier penalty. Mais Delaine, il avait tout donné au frère Rico. Hein. Il pouvait pas. Et puis Perrin qui finit en beauté. Perrin, je sais pas trop où elle est partie, où la balle pour Perrin. Elle est arrivée à Échaud. Perrin a échoué face à Perry. Voilà. Ouais. Lucas, les deux en plus. Ouais, Lucas Perry. Mais je crois qu'il manque à chaque fois une lettre au bout. Ah non, Lucas. Et un tir au but, et puis. Alors, moi, je crois que j'ai fait une connerie dans ce match. Je crois que j'ai mis le son. Des commentaires ? Ouais. Daniel Bravo. Horrible. Abominable. C'était vraiment une torture. C'est pour ça que j'y suis allé. Ouais, mais t'as bien fait. Ah ouais, bravo. Joss, bravo. Ouais, c'est bien. Surtout qu'il y avait un god olympique lyonnais dans la bouche pendant tout le match. C'est très dur à supporter. Ouais, c'est très très dur. Et bon, ouais, du coup, Lyon qui se rassure après ce match, cette performance. Voilà, je pense que la conclusion du match, c'est aucune des deux équipes ne va finir la saison tranquillement. Mais Lyon a des chances de gagner la coupe, par contre. Alors, je connais cette théorie. Ils jouent en demi-finale à domicile contre Valenciennes, qui est dernier de Ligue 2. Ils ont aussi des chances de perdre contre Valenciennes en demi-finale. Ça serait beau. Ça serait beau, oui. Non, mais après ils vont perdre. Bon, nous, la chance, c'est qu'on a pu se recentrer du coup sur le championnat. Quatre défaites de suite, ok, c'est bien en championnat. Maintenant, on est éliminé de la coupe. Ça veut dire que le match suivant, c'est-à-dire Montpellier, évidemment, on va gagner le match. On est d'accord. Des conditions optimales. Le beau temps. Le beau temps du un sud. Un stade plein. Un stade plein. Une pelouse. Un billard. En fait, je pense que si t'as une fréquentation en dessous d'un certain seuil, on devrait dire que tu ne joues plus en D1. Parce que c'est scandaleux. Mais c'est un stade rénové pour la Coupe du Monde 2019. C'est pas sympa pour Monaco, ça. Oui, alors il y a eux, ils auraient un truc spécial. Et Reims? Juste pour Montpellier. Non, les visiteurs. On dit juste pour Montpellier. Non, mais c'est horrible de voir un match où tu vois que des sièges. Et encore si t'es des sièges en bon état. Mais là, Alors apparemment, il y avait une inondation, j'ai pas compris. Oui, mais à chaque fois. Le stade, il tombe en ruine. Hein, genre, c'est déjà ça, c'est. Alors, moi, j'ai entendu qu'il y a des gens qui citaient en contre-exemple de notre soumission chimique à Blouko. Mmh. C'est Montpellier. Montpellier. Le modèle à l'ancienne. Est-ce qu'il va pas dans le mur? C'est vrai que quand tu vois Montpellier sur le terrain, dans les gradins, tu te dis, c'est vrai, est-ce qu'il vaut mieux mourir avec un sachet poubelle sur la tête ou... T'as un entraîneur à 30K, tu vois. Du coup, ça fait pas beaucoup, quoi. Mais en plus, Montpellier au-dessus, c'est fermé, alors du coup, ils ont mis des. Ouais, des fausses bâches, ouais. Des fausses bâches. Non, c'est dégueulasse. Le stade de Clermont est mieux. Oui, voilà, l'avantage, c'est quand il pleut, personne n'est mouillé, quoi. Parce qu'il n'y a personne, donc. Ouais. Non, c'est bon. Sur ce match, malgré tout, on a retrouvé un petit peu le Racing, c'est-à-dire contre Lens, où on se procurait des occasions. On s'est procuré des occasions. Ouais. On a même mené deux fois au score. On a mené deux fois. Bon, on a quand même pas gagné. Alors, on peut parler du premier but. Le penalty. Ah ouais. Donc, qui provoque le penalty? Évidemment. El Ballon d'Or. C'est sûr. El Ballon d'Or. Golden Child. El Pibe d'Or. El Pibe d'Or. Et ouais, c'est surtout le défenseur de Montpellier qui est con comme un volet. Il vient, il le savate en pleine surface. Enfin, ça n'a vraiment aucun sens. Et qui tire le penalty? Habib. Habib Viera. Et il explique dans les DN que ce n'était pas prévu. Ils se sont fait ça et qu'il l'a bien senti, qu'il a dit, moi je vais le tirer. Le gros bumier. Donc il n'y a pas de tireur désigné. Ah ouais, on est vraiment bien dans la ligne. Bah, c'est pas Kevin Gamero, déjà le tireur. Alors on sort d'une séance de tir au but qui s'est pas très bien passée à Lyon. Donc, ouais, ils auraient dû faire tirer le Perrin. Mais donc là on mène 1-0. Ouais, moi, on a devant ma télé. Je me dis, je suis pas sûr que Montpellier réussisse à marquer un but. Mais heureusement qu'on est là. Tu as un peu de Racing derrière toi quand même. Oui, et il y a qui dans l'équipe de Montpellier qui marque des buts contre Strasbourg? Contre Strasbourg, uniquement contre Strasbourg. Uniquement. Alors, on dit Nordin, je sais pas. Alors Nordin, il n'a marqué qu'un seul but sur ce match. Et puis surtout avant, il y a quelqu'un d'autre. Oui, parce que la Ligue l'a attribué en CSC. Ah bon? Non, je crois pas. Oui, non, c'est un CSC. C'est des conneries. Non, attendez, la commission de visionnage de la FFF valide ça. Et c'est très important parce que les clubs qui font des primes sur les buts pas décisives tiennent compte de ça. Et pour le petit gazon aussi, hein, quand même. Ouais, accessoirement. Mais il y a une commission de visionnage, c'est Edouard Baird qui... Non, en fait, il y a une commission des compétitions. Non, mais on peut expliquer, soyons pédagogues. Il y a une commission des compétitions qui se réunit le lundi pour la Ligue 1, le mardi pour la Ligue 2, et qui visionne tous les buts. Avec trois bouteilles de rouge. Et qui valide les buteurs, chacun. Les passeurs. Hey Jean-Luc, qui c'est qui marque après toi? Donc, voilà. Et du coup, c'est Doucouré. C'est Doucouré, CSC. D'accord. Bon, la prime de Doucouré, elle est là-bas. Oui. Non, mais le Stoub, on se base là-dessus, donc on respecte. Oui, on respecte la version officielle, l'histoire officielle. Voilà. Ouais. Bon, alors, on va dire, c'est pas Nordin qui a marqué, mais c'est quand même beaucoup lui qui a marqué. Bon, par contre, là, il y a rien ne va dans ce but, non. Sur le premier, je sais plus lequel. Le deuxième, c'est la reprise de volée. Ouais, le premier, c'est le corner. Ouais. Mais il n'y a rien qui va. Bah, oui. Disons que Bellarouche sur les deux, sans être fautif, est quand même un petit peu léger. Hein. Et mon ami Sel, c'est sur les deux. Ouais. Tu peux avoir un petit peu de wasabi, genre pour faire passer le deuxième but, s'il vous plaît. Mais après les déclarations de Nordon, on remarque. Et alors, les méga, attention. Passe de qui? Passe de saut. Ouais. Attention, je vais dire un truc. Oui. Le but de Emega à Montpellier, c'est à mon sens. Le premier but de la saison de Emega, où il fait un talent d'un attaquant de pointe, parce qu'il est lancé en profondeur, il y a le piqué du pied gauche qui a priori ne va pas être son bon pied, même si les deux derniers buts qu'il a marqué. Je comprends pas son pied. Personne ne sait quel est son pied. Sur le site du Racing, il est droitier. Voilà. C'est un piqué du gardien. Un comité des pieds des joueurs. Un vrai geste d'avant-centre, et c'est le premier. Quel pied tu penses? Parce que ses buts précédents, il les avait marqués en une touche de balle dans les 6 mètres. C'est ça, pousser la balle. Il est pas loin. Bah, la balle avait rebondi sur lui la plupart du temps. Mais après, c'est le premier but où il y a une vraie passe, hein, une vraie action construite un peu et une belle ouverture de saut quand même. Mmh, tout à fait. Mais on commence à voir les qualités des mecs, par exemple, même sans rire. Tout à fait. Il faut lui mettre des ballons dans les pieds, en fait. En profondeur. Dans les pieds, il n'arrive pas parce qu'il n'arrive pas à contrôler. Vaut mieux lui mettre dans la profondeur, mais pas trop fort. En hauteur, il arrive pas. C'est façon flipper en fait. Il faut viser comme un bumper. C'est-à-dire, c'est pas lui qui va faire le truc. C'est toi qui lui fais la passe, qui doit mettre le bon angle pour que ça rebondisse bien, pour que ça rentre. Parce que lui, non. Et il lutte pas pour les balles aériennes alors qu'il fait 2m20. Enfin, c'est... Mais il a un certain talent. Il a un certain talent. Enfin, on voit son talent. Là, il met ce deuxième but, on est à la fin du match ou presque. On est à la 83e. Donc forcément, c'est dans la popoche. Attention, non, non, juste sur le but des mégas. Il y a un petit scandale. Non, il y a un petit scandale. La célébration. Ah oui, il jette son maillot, ce con. Il jette, jette son maillot, mais de façon assez ostensible. Ouais, quel con, mais quel con. Mais il a bien jeté son maillot. On en parlera contre Nantes. Mais voilà. Oui, c'était un peu idiot. Je me suis dit, quel crétin. En 2024, quoi. C'est encore, en 99, le mec n'était pas au courant. Je le prononce Forlan. Mais bon. C'est Diego Forlan qui veut t'enlever toujours son maillot, qui a mis en place l'idée d'avoir un carton jaune. Mais il a enlevé son maillot, le jeté en l'air pour célébrer, et lui, il l'a enlevé, il l'a jeté vers le sol, quoi. Ouais. Non, parce que je trouve... Il a quel âge, rappelle-moi ? Bah, il a 20... 15 ans ? Non, il est 2003, donc il a 21 ans. Voilà. T'as répondu. J'étais pas aussi con à 21 ans. Non, mais t'es pas footballeur. C'était pas la vie de tes parents, mais bon. Et puis t'as pas le même développement moteur cérébral. Il est plus grand que moi aussi. Le même salaire, tu veux dire. Non, mais sportivement parlant. Le même salaire. Sportivement c'est totalement idiot, le mec. Non, mais c'est con. 83e, tu te prends un carton à la fin parce que tu dégages une balle, parce que tu fais chier l'adversaire, mais pas parce que t'en. Et en plus, ça n'a aucun rapport avec les trois singes, en plus. Ouais. Enfin, c'est complètement absurde. Les trois singes portent pas de maillot, donc pourquoi ils gardent le maillot ? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et ça a été reproché par Patrick Vieira en conférence de presse. On prend des cartons jaunes, idiots. Oui, ben. Mais Patrick Vieira, il arrête pas de dire des choses qui sont pas connes, toujours en conférence de presse. Mais par contre, visiblement, il doit pas le dire à Keller ou je sais pas. Ou pas dans le vestiaire, parce que les joueurs, ils impriment pas. Il est pas payé assez, c'est tout. Ouais, c'est vrai. Et du coup, au 83e, on mène et on va gagner. Donc on va gagner, évidemment. On va gagner. Et ben non. Alors, non. Arnaud Nord, hein, cette fois, c'est vrai. Ouais. Et là, beau, hein. Ouais, mais la main est pas assez ferme. Ouais. Mais il est beau, il est beau. Enfin, il est beau, ça dépend, moi je suis pas, c'est pas mon style, Arnaud Nordin. Mais là, t'es trop petit. Bon, et là on se dit. Du coup, bon, le bon vieux 2-2, on n'a toujours pas, c'est le seul, la seule équipe qu'on a pas, contre laquelle on n'a pas gagné depuis qu'on est monté en Ligue 1. Vous avez la statistique complètement folle. Si, il y a eu un match à l'homme et deux qu'on gagne, hein, sur une tête d'Ajorque. Mais c'est un truc où, en tout cas, on a pas gagné chez eux à la Meusson depuis. Depuis Abdel Fami en 2003, alors. Il disait non, comment il s'appelle le Corse, Kamadini. Oui, Kamadini, on gagne 2. Mais c'est ça, c'est ce match avec Abdel Fami et Kamadini. Ouais, voilà. Donc ça remonte un peu. Donc encore une fois, on gagne pas à Montpellier. Mais il y a quand même un truc qui se passe que vous notez pas, c'est à la combien 90 plus 3, il y a des mingués qui rentrent. Et ça, c'est quand même très c'est sympa de la part de Patoche. C'est pourquoi il fait ça. Mais bah, prime de match. Ah ouais. Demingué, il a sa prime de match, incroyable. Donc Patoche joue pour Demingué contre la direction. Évidemment. Mais c'est un. C'est ça, ça sera encore des primes que Keller pourra pas se mettre dans la poche. Ah ouais. Et tac. En fait, c'est un espèce de il fait c'est un troll. C'est un troll. C'est un troll trotskiste. Robin Desbois. Patrick Desbois. Patrick, exactement. Mais on a gagné déjà là-bas, hein, contrairement au parc. Oui. Ça. À la Meusson. À la Meusson. Oui. Pascal Louma a pas couché. Bah oui, j'étais comme. Tu n'as pas couché. Mythique. Et Gifilou a assisté aux dernières victoires à Montpellier en 2004. Ah oui ? Voilà. Bah c'est peut-être vous ça, le saurez. C'est peut-être ça la solution en fait. Gifilou revient à la Meusson. Ouais. Gifilou revient. Et donc, bon, après, moi j'ai assisté au premier but de Saadi à la Meusson. J'étais aussi. Ça vaut une victoire. J'étais aussi. Sur une passe de Martinez, Pablo Martinez. Donc là, on est bien, sur un match nul, on se redresse, on a des actions, on arrive à faire des actions parce que c'est pas contre. On n'encaisse pas de but, enfin. C'est pas contre Brest et Lorient qu'on avait eu des actions, quoi. Bah, disons qu'on avait marqué un but en trois matchs en prenant neuf. Non, deux buts en trois matchs en prenant neuf. Là, on en met deux sur un match et on en prend que deux. Mmh. Parce qu'on a quand même pas parlé qu'à Lorient, on a Gilbert qui a marqué sur corner. Le mec fait 1m2, il a marqué sur corner. Bon, c'est une anecdote. Mais donc là, on fait match nul. Ça fait comme sept matchs sans victoire d'affilée. Donc on va gagner le huitième. Le huitième où on soit Monaco. Le prince de Ferrette. Exact. Le comte de Ferrette. Le comte de Ferrette. Et prince de Tann alors. Non, il y a Tann et Ferrette. Mais Ferrette c'est comte, ça c'est sûr. Ouais. Ah non, duc. C'est un duché Ferrette. Mais c'est comte de Tann. Il était à Tann cette semaine. On est en train de perdre beaucoup de matière. Oui, c'est vrai. Et c'est le prince. Bon, on reçoit Monaco. Mais juste une petite question pour finir Montpellier 2-2 avant le match. Vous signez ou vous signez pas? Oui, moi. Non, mais non. Montpellier, ils sont au fond du trou. Ouais, mais. Ouais. C'est moi, je signe, je re-signe. Donc, on reçoit Monaco. Là, on se dit. En étant la seule équipe qui n'avait toujours pas gagné en 2024. Oui, donc ouais, spoiler. c'est à la fin du match, c'est toujours pareil. Dimanche 17h, c'est toujours pareil. Bah, dimanche 17h, un horaire. Alors, dimanche 15h, mais à 17h. Et là, on retombe, dans c'est vrai. On retombe dans nos travers. On fait non, non, parce que déjà, on va prendre des bières chez l'Italien. On change de. Non, dans le sens où, de nouveau, on fait un match où on a quasi pas d'occasion. Non, celui-là, non, il se passe pas. On fait 0,4 de XG. Ouais, mais Monaco, et on fait un tir cadré. Ouh. Oui, Monaco est pas très bon. Monaco est pas terrible, hein. Monaco, ils sont un peu en dents de scie depuis le début de l'année, et là, ils sont plutôt sur un. C'est ce qui m'inquiète encore plus, mais pas je suis très d'accord. Bon. Ouais. Et enfin, au milieu, on est mangé, franchement, on procurait pas d'occasion, mais on a l'impression que les deux équipes faisaient le jeu égal. Et au final, dans ce match-là, l'élément déclencheur, c'est quand Monaco fait rentrer deux jeunes, et là, enfin, c'est un exemple parfait de gestion des jeunes joueurs que nous, on n'a pas. C'est qu'au bout d'un moment, alors, il y a Ben Seguir qui est en Ligue 1, là, depuis un an, qui a 19 ans, là, qui je trouve très bon, c'est lui qui marque, je crois. Tout ça, la passe de l'autre jeune, j'ai plus de temps. Voilà. 22 ans, Akiouche. C'est pas mal. Vieux. Et à partir du moment où ces deux mecs-là rentrent, là, il y a clairement une différence de niveau. Enfin, il y a un écart qui se fait sur le terrain entre les deux équipes, là où les deux se regardaient un petit peu avant en chien de faïence. C'est pareil que quand Santos et Rabi rentrent, sauf que c'est organisé. Oui, voilà. Et en fait, les deux jeunes de Monaco, ils rentrent, ils apportent de la fraîcheur, mais parce qu'ils sont utilisés avec parcimonie par leur entraîneur. Nous, on écrame nos jeunes. Mais parce que Ben Seguir, il arrive, on l'inclut petit à petit dans l'équipe en le faisant rentrer. C'est pas Emega qu'on va recruter en lui disant. Enfin, je veux dire, Emega, on le troll un petit peu depuis tout à l'heure, mais ce mec-là arriverait dans un contexte où il y aurait un Jorque ou un Diallo qui serait le titulaire et où il serait numéro 2 et il serait amené à rentrer petit à petit dans l'équipe. Moi, je suis persuadé qu'il s'en sortirait. Et c'est exactement ce que fait un mec comme Ben Seguir à Monaco. Prends l'exemple de David Diarra aussi, quand il a débuté chez nous, on l'a pas balancé tout de suite titulaire. Il a fait des apparitions, il a une titularisation par-ci par-là, et c'est seulement quand il a pris l'assurance qu'il a joué plus régulièrement. C'est comme ça que tu lances un jeu. C'est important d'être assuré, surtout quand tu fais du vélo. Tout à fait, tout à fait. C'est quand tu roules sur le trottoir. Ouais, exactement. Mais du coup, au personnage, on perd. Mais alors, il se passe d'autres choses. Mais le match, on va dire. Oui. Tant que physiquement, mais alors, enfin, on finit pas bien les matchs. Oui. Hein, depuis le début. Mais en même temps, c'est vrai qu'on était prêt physiquement. On avait dit première partie de saison, le physique suivait. Mais sauf que maintenant, c'est les mêmes joueurs. Et en plus, il y en a de moins en moins. Oui, parce qu'on va pas parler des blessures. Oui, c'est Koh-Lanta, quoi. Hein. On va démarrer à 28. On va devoir réunir les tribunes. Non, mais c'est vrai. Que... sur les poteaux, en fait. Est-ce qu'on est obligé? On a un nombre minimum de joueurs qu'on doit mettre sur le banc pour où on peut y aller avec. Mais on peut mettre trois gardiens, a priori. Comment un Franz Kirsch, on peut jouer à 11 et puis. Faut être 8 au coup d'envoi. Je crois que c'est ça, ouais. Faut être 8 au coup d'envoi. 7, on arrête. La marge. 7, on arrête, ouais. C'est comme le dimanche matin. Ça arrive souvent. 8, si tu joues avec Bakwa, Gilbert, ou Feu, ça peut vite finir à 6 ou 5, hein. Donc ça va sans force. Parce que généralement, le dimanche matin, si t'es 8, bah t'appelles. T'appelles Jean-Pierre qui est encore au lit, en train de cuver. Fini avec Filzer et Méga, devant. Non, mais en plus, c'est ça, le parallèle. Enfin, je parlais il y a une seconde de Monaco qui fait rentrer Ben Seguir et l'autre. Tu regardes fatalement ton banc à toi parce que tu te dis, bah, nous, qui c'est qui va dynamiter tout ça? Ah, mais là, tu te rends compte que t'as 4 gardiens sur le banc, donc tu te dis, ah ouais, bon. Mais là, on n'aura plus, 4 gardiens. Mais là, oui, oui. Tu fais rentrer justement Aboubakar Ali, qui est première apparition en pro. Qui est 2006, qui est mineur. Ou alors tu fais rentrer Dreyer. Et c'est quoi le prénom? Aboubakar. Son prénom c'est Aboubakar. Mais donc Aboubakar Ali. Aboubakar c'est le prénom, Ali c'est le nom. D'accord. Tout comme Corentin Jean. C'est juste, ouais. C'est comme Corentin Jean. D'accord. Et donc c'est un tueur en série. C'est un réunionnais. Ah oui. Oh, tu parles. Deux amis fans du fan club Ajor qui nous écoutent. Il faut le time code pour que j'édite là par contre. Mais non, pas du tout, on adore La Réunion. Le Racing a joué un match amical contre La Réunion, on s'en rappelle tous. Oui. Avec le sélection de La Réunion sur ce match-là. Et Ajor qui nous souvenait. Non, j'étais pas au match en fait moi. Un Réunionnais qui a joué au Racing. Moi j'y étais. Que vous avez vu jouer. Ludovic Ajor. Les personnes d'un certain âge ont vu jouer. Bad. Oui. Ah ouais. BADE. Oui. Non, pas Magnus. Le fameux bas de Tomac. Voilà. On revient effectivement, et c'est là où on s'est dit aussi, il y a un problème de multipropriété au Racing. C'est que Monaco, ils ont 50 joueurs sous contrat, et nous, on en a 12. Ouais, mais vraiment la version Lidl de la multipropriété. Mais là, c'est la façon qu'est l'air, le truc, mais c'est pas la vraie multipropriété, les gars, parce que nous, on n'a pas de joueurs. Ouais, c'est... Juste côté tribune contre Monaco, et ceci peut-être passé. Ah oui, évidemment, on va en parler. Il s'est passé des choses exceptionnelles. Je ne sais plus quelle était la première. Alors, je ne sais pas par quoi ça a commencé, mais la chose la plus importante, je pense, ce qui a un petit peu marqué tout le monde, c'est que le nom de Marc Keller a été affiché. Voilà. Hein, il aurait pu avoir son adresse, mais ça... Ça non, parce que... Oh là là. Surtout pas. Non. Hein. Même si... Bon, après. Hein. Mais... Lisez la chose. Bah voilà. Ou alors lisez la biographie de J.P. Darkey. Tout à fait. Les croissants. Exact, exact. Le chapitre sur les croissants, ouais. Le chapitre sur les croissants. Mais il y a une bande qui vise Marc Keller. Pour les croissants. Pat Le Guen. Et pas de Vira. Et tout à fait. Bon, putain, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, banderole. Qu'est-ce qui nous arrive? Banderole. Il y a une banderole qui pose une question. Le match d'avant, la question était quel est le projet? Il n'y a pas eu de réponse. Tout à fait. La nouvelle banderole est Marc Keller, victime ou complice? Point d'interrogation. Ouais, un truc blouco, on s'en fout, victime ou complice. Mais y a-t-il eu une réponse, en fait? Je ne crois pas. Via Jean-Luc Godin, qui s'appelle pas Jean-Luc, mais j'ai oublié son nom. Stéphane, merci. On salue. Et bien sûr. Non. Stéphane, on pense à toi. Non, mais oui, on parle tout de suite de plaie, on reste sur la banderole. Là, on peut balancer. Là, on ouvre la banderole. C'était public. Article 3e. Oui, il n'y a aucun secret. Oui, bah, c'est le public, vas-y. On parle de plaie. Ah, on peut y aller. Donc, la banderole. D'abord, la formule est une question. Oui. Vous vous souvenez tous des leçons de journalisme des Cahiers du Foot dans les années 2000. C'est la technique de base à l'équipe, par exemple, pour dire Kevin Gamero parti pour rester, pour l'interrogation, pour rien révéler, ou alors Jean-Michel Aulas est-il une buse, pour l'interrogation. Ils disent alors pas que c'est une buse. Alors que Marco, c'est peut-être resté pour partir. Mais on ne sait pas. Donc déjà, voilà, non, la banderole avec un point d'interrogation, c'est un scandale, évidemment, c'est une attaque. C'est du journalisme de bas étage. Ouais, c'est dégueulasse. Et qu'est-ce que fait Stéphane Godin. Il fait un article où il décrit les banderoles. Oui. Il ne donne quasiment pas d'avis. C'est qu'une description à la photo. Il fait un article voilà, où il dit, bon bah voilà, il y avait des types avec une banderole, il y avait écrit Blue Co Out, et il y avait écrit, Keller machin. Oui. Là-dessus. Non, il y a une phrase en fin d'article, je sais plus si c'est le dimanche ou le lundi, qui est quand même, où il dit, il finit par celui qui prétend encore gérer l'opérationnel du Racing. Ouais, okay. Qui était un petit peu taquin. Ouais, c'est un peu taquin, ouais, c'est chiant, ça fout. Mais d'accord, ouais, ok, il y avait non, ça. Non, mais si ouais. on dit qu'on, c'est pas ouais. vrai. Ouais. En fait, c'était après. Et à 3h40 du matin. 45. 45, pardon. Un certain monsieur Play, PLET. Victime d'insomnie. Probablement. Qui est l'homonyme du directeur général du Racing. Tout à fait, mais on s'est sûrement pas dit. C'est fou, ça. Alors, première réaction, il fait, vous vous souvenez au bac à l'époque, résumé discussion, tu pouvais prendre dissertes. Tu pouvais prendre commentaire composé et les branleurs prenez résumé discussion. Résumé discussion. Pareil, évidemment. Et donc, puisque tu n'avais rien besoin d'apprendre, tu avais un texte que tu devais faire. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un résumé sans discussion de l'interview incroyablement géniale de Marc Keller le dimanche précédent. Dans l'équipe. Alors que ça n'avait aucun rapport avec l'article, puisque l'article décrivait les banderoles. Puis, il n'avait pas fini sa bouteille de whisky, il retourne, il continue. Voilà. 5h du mat à peu près. Et celui-là, vous l'avez pas vu parce qu'il a été enlevé. Mais des gens l'ont screené. Donc, on peut le ressortir. Enfin, pas moi, j'ai pas screené. Mais des gens peuvent le ressortir. Il fait, c'est de la désinformation. Non, Godin, complice de désinformation. Godin, GAU. Ouais, Godin Jahu, complice de désinformation, ce qui, ça, pour le coup... Est une diffamation, exactement, pour quelqu'un qui fait son travail comme Godin. Et après, c'était juste une phrase... Dure soirée. Ouais, et là, quand même, c'est magnifique d'avoir... Moi, j'aimerais avoir, comme Marc Keller, des employés qui, vraiment, ont une telle loyauté pour moi, à cause de mon travail exceptionnel, évidemment. Qui me défendent sur... Qui sont dans les commentaires de la presse, de la pécuniaire. Devant tout le monde, avec une audience de dingue. Bah oui. Évidemment. Oui, en mettant leur nom. Oui, en mettant leur nom et tout. Et moi, je trouve ça... Et qui n'arrivait pas à dormir, parce qu'à 3h40 du mat, il était tourneboulé. Mais on parle comme ça de Parker, le type qui a sauvé mon club. Et c'est la première couche. Oui. Deuxième couche. Ah oui, dans LinkedIn. Oui. Ouais, mais alors là, c'est... Est-ce qu'on dit LinkedIn? Je sais pas ce qu'on dit. Moi, je sais pas comment dire ce nom de réseau social. Le mec qui a inventé ça, c'est... Donc, voilà. Il dirait pas pire TikTok, Alors sur Ding. Donc là on fait bien Jacques Chirac avec le mulot. Sur Ding. Bah justement, il y a une anecdote pour après, mais donc là on a Pierre Delanoë. Non, comment il s'appelle? Monsieur Bertrand. Ouais, Bertrand Delanouille. Non, monsieur Delanoë. Bertrand. Delanoux. Bertrand Delanoux. Non, pas Bertrand. Monsieur Delanoux. Ouais, monsieur Delanoux. Donc pareil, profil vérifié, apparemment c'est vraiment lui. Qui a qui a un homonyme du responsable commercial du Racing. Voilà. Et qui a le même compte en plus. Ouais, coïncidence, la photo aussi. Et la photo lui ressemble. Mais c'est pas lui, c'est pas lui. Qui traite oui, ça, les gens des UB et compagnie, surtout les UB, on imagine, de pseudo-supporters. Et bon bah là le reste j'ai pas appris par cœur le reste de son texte, je suis désolé, c'est pas comme Godin là, j'ai... Mais du coup ça montre aussi que à partir du bon, juste avant le match de Monaco, le club ne réagissait pas, enfin ouais. Ou alors il y avait des rencontres avec des supporters associatifs ou non. Mais par contre à partir du moment où le nom de Marc Keller était affiché en tribune, on a franchi l'étape. Là l'étape, oui c'est ça, il y a un seuil qui le Rubicon. Était dépassé. On a franchi le Rubicon, les vannes sont ouvertes. Pour Michel Drucker je pense. Les vannes sont ouvertes, donc c'est la fête du slip total, enfin il y a plus aucun contrôle. Ouais. Mais c'était deuxième étage de la fusée. Il y a eu le troisième étage de la fusée. Ouais. Alors vas-y. Sur le poste de LinkedIn de notre ami de la Nouille, il y a un ancien actionnaire qui avait des parts au Racing qui est venu le féliciter de ce message. Ah ça j'ai pas vu. Voilà. Et cette personne-là a dit bravo pour ton mail. Déjà tu vois qu'il maîtrise. Et il met tout un blabla pour dire que c'était vraiment formidable et que les gens sont ingrats. Ça lui répondait. C'est comme à l'époque à Facebook, tu savais pas que tu répondais sur les murs des gens. C'était tout au début. Et ben c'était ça. Et donc il doit féliciter pour son mail. C'est un ancien actionnaire qui a le même prénom que l'entraîneur du club. Non, c'est un autre. Okay. Il paraît c'est un tueur en série aussi. Il est peut-être réunionnais. Ouais. Son nom est un prénom. Mais voilà. Donc ça a été. C'est Pirado. Ça a été l'escalade. Donc on sent très bien. Donc ça c'est symptomatique de. Ça sent la panique à bord. On a touché à Marc Keller. À partir de là, donc on va dire que la garde rapprochée se sent obligée de le défendre dans la presse. Sans à l'exception notable de certaines personnes qui sont au club, qui ont déjà été mis en avant et qui, pour l'instant, font silence radio. Et je pense à mon goût, notamment le responsable communication du Racing, qu'on n'entend pas là-dessus, devrait peut-être conseiller à ses collègues de la jouer profil bas. Oui. C'est un vrai bon conseil dans ces cas-là. Quelque part, ils se donnent en spectacle. Là, on a les dirigeants du Racing qui se donnent en spectacle. Ouais. J'ai consulté des spécialistes de crise. On m'a dit, communication de crise, on ne répond jamais en son nom. Que des communiqués officiels. Il y a une voix qui répond. Pour le club, pas de nom. Tu vas pas sur Facebook, c'est interdit. On te coupe l'accès à Facebook. Tu vois pas les trucs. Tout le monde va dire de la merde. Pas 3h du matin. Mais évidemment, moi, mon avocat. Et tu arrêtes de boire le whisky aussi. Mon avocat m'avait dit quand j'avais les problèmes avec l'aptitude. Enfin bref. Tu ne réponds à rien. Et ben voilà, je suis là aujourd'hui. Ça s'est bien passé. Sans compter les nombreuses interventions de Pierre Ménez, quand même. Mais n'empêche que on a les fesses 13 ans de ouf. Parce que, à part les gens qui étaient au match, la banderole au départ, je sais pas qui en aurait parlé. Stéphane Godin. Je crois que c'était repris dans l'équipe aussi, je crois, dans le résumé. Oui, un petit peu. Dans le contrôle. Ok. Mais je trouve que quand même, c'est. Non, mais c'est amplifié. Le mec amplifie le truc de malade. Donc surtout qu'a priori sur Ding Ding, il y a plein de commentaires de mecs qui disent non mais genre vraiment le club, les UB quand même ils sont là depuis toujours, puis ah oui carrément et surtout on peut ne pas être d'accord avec le propos des supporters qui mettent on va dire Marc Keller comme étant un des responsables de la situation actuelle qui dérive. Il le revendique lui-même d'être responsable. Voilà, maintenant il le revendique, mais du coup le fait est d'insister lourdement et de dire de nous rebalancer le projet Blouko, que c'est volontaire, enfin les mêmes choses à chaque fois. Ça vient forcer le trait et ça donne quelque part raison aux gens qui les critiquent. Bah ouais, il y a beaucoup de problèmes. En fait, il y a énormément de problèmes. Déjà, bon, pseudo-supporter, c'est un scandale. Bon, en soi, déjà, là, c'est n'importe quoi. Ouais. C'est un scandale. Mais en plus, quand tu passes ton temps à dire, sans le dire, que les gens doivent être à leur place, c'est-à-dire, les supporters sont en tribune, doivent faire leur travail de supporter, les dirigeants dirigent, les communicants communiquent, et nanani, tu vas pas mettre un commentaire à 3h du mat dans un article d'EDN, enfin je sais pas, c'est complètement contradictoire, paradoxal, et en fait c'est con. C'est simplement con. Sur LinkedIn. Oui, ou sur LinkedIn, quand tu t'occupes du sponsoring. Oui. Oui, en plus, t'insultes des clients. C'est mais ça, oui, mais c'est incroyable, quoi. Une incompétence. Moi, je veux bien, on a de la multipropriété. On a les proprios de Chelsea, c'est des génies et tout. Mais alors, on nous en amène un. On nous en amène un pour la communication. Parce que là, il y a un énorme problème, là. C'est quand même ridicule. C'est grotesque. Dans la multipropriété, il y a des gens qui avaient compris qu'au mercato, il fallait recruter. Genre, exemple, Lorient. Ah, oui. Voilà. On en a pas parlé parce que c'est aussi une équipe en multipropriété. Nous, j'ai l'impression que la compréhension du business du football, enfin du business peut-être, du football sûrement pas. Ils l'ont pas. Et clairement, et ça c'est aussi Marc Keller et son équipe, lui ont dit 9e à la trêve, t'inquiète c'est Robert, réglé. Ça va passer crème, le championnat est d'un niveau abyssal. Ce qui est vrai, c'est pas faux. Ce qui est vrai, sauf que, et heureusement, mais et ça va peut-être... Mais il y avait l'histoire de Lely aussi. Ça va peut-être passer. Attention, l'histoire de Lely. De Lely. Lely, il est débordement. Enfin, on recrute. Ah, tu parles foot, toi. Oui, d'accord. Oui, pardon. Oui, parce que. Non, mais sur le jeu de mercato. Ouais. Mais, parce que Vieira veut jouer en 4-3-3. On a deux ailiers, Bakwa et Angelo. On veut recruter un ailier et c'est bloqué par la direction. Non, mais c'est pas dur. C'est pas l'entraîneur qui gagne 200K qui va commencer à fixer la tactique. C'est ça. Non, mais c'est-à-dire que jouer en 4-3-3 et avoir seulement deux ailiers de. Formation, c'est quand même une hérésie qui... Mais on nous demande de ne pas recruter pour ne pas bloquer la progression d'Angelo. Oui, donc... et on te dit, Marc Keller a dit dans l'équipe que l'idée était de recruter un milieu pour permettre à Diarra d'occuper ce poste. Ouais. Diarra qui est quand même à peu près tout sauf un allié. Voilà. Mais donc, mon propos, c'était de dire que la multipropriété, elle a souvent bon dos quand même sur un paquet de choses, mais tu peux être en multipropriété et avoir un multipropriétaire, pour le coup, qui comprend un tout petit peu ce qu'il faut faire et qui essaie de faire. Là ils ont vraiment montré leur vrai visage, que les mecs, ils pannent que dalle au football. Mais est-ce vraiment... que vous pensez vraiment, alors est-ce que l'échec de ce mercato, parce qu'on peut parler d'échec autant sur les départs que sur les arrivées, nous on avait dit que c'était un échec dès le départ parce qu'on critique tout et parce que c'est le projet. Mais bon, les résultats, genre, 7, on a gagné à Nantes, on en a pas parlé. Mais... confirme, on va en parler. Ouais. Mais est-ce que vous pensez que c'est à Strasbourg ou à Chelsea qu'on a décidé de dire, ça va passer, on n'a pas besoin de mettre plus de points? Bah, en fait, ce qui est avéré, puisque ça a été dit plus ou moins officiellement, c'est que t'as Lawrence Stewart, qui est directeur sportif de Chelsea, qui c'est, est... C'est le deuxième prénom de Loïc Désiré, c'est ça? Oui. Qui est membre du conseil d'administration du Racing, qui valide plus ou moins la politique sportive de Strasbourg. Ouais. Voilà. Mais clairement, je pense qu'à Strasbourg, on l'a pas dissuadé de lui dire, si par exemple il a eu l'idée de se dire, ouais, 9e, ça passe crème, il y a personne à Strasbourg qui lui a dit, écoute, Laurence, tu fais fausse route, il nous faudrait des joueurs là, on risque d'être un peu ric-rac, et par rapport au projet, il faut quand même qu'on se maintienne relativement facilement pour que les joueurs puissent se développer, enfin, je sais pas, qu'on lui emballe ça avec un joli paquet, un joli nœud. Non, il y a personne qui lui a dit. Patrick Vieira qui lui a dit. Ouais, en conférence de presse, mais je pense qu'il regarde pas les conférences de presse à Strasbourg. Je pense qu'à Strasbourg, on lui a pas dit, non, écoutez, vous faites fausse route, ils ont dû dire, ils sont arrivés à la même conclusion, ouais, 9e, ça passe crème. Et quand on a commencé à enchaîner les défaites, à mon avis, ils ont dû se dire, on a fait peut-être une connerie là, parce que les jeunes, bah, ils sont cramos, ils donnent plus autant en février-mars, là, ils donnent plus autant que les c'est bon en décembre-janvier, quoi. Mais il y a quand même, on peut revenir, parce que tu as un peu cité l'interview de l'équipe de Keller, et c'est un peu un rapport, parce qu'on parle de politique sportive, imposée par, ou pas, par Blouko. Dans l'interview ubuesque de Keller dans l'équipe, il explique quand même que le projet, c'était celui du Racing, avant qu'il y ait Blouko. Oui. Et que d'ailleurs, Blouko a dit, ah, mais c'est une super idée, on va faire la même chose à Chelsea. Ouais. On en est là, dans la communication officielle du club. Et Keller qui te dit qu'il a quand même été surpris qu'on recrute aussi jeune. Oui. Ah voilà. Ah, on a perdu l'enregistrement. Non, mais on a le bâton. Non, mais enfin, Vieira a quand même demandé un ailier et puis un arrière. Hein, tout ça pour qu'on lui fournisse un milieu terrain et puis qu'on lui vende son meilleur joueur qui était le gardien. Après, on sait très bien que nos propriétaires, il y a deux, et ça fait maintenant un an et demi qu'ils sont propriétaires de Chelsea. On voit les résultats, ça fait un peu plus d'une demi-saison qu'ils sont propriétaires de Strasbourg, on voit les résultats. C'est une fenêtre relativement courte pour faire un jugement global, mais globalement, sur un an et demi, on ne peut pas dire que les mecs, ils démontrent une connaissance du football et une connaissance de ça, du business même en général, parce qu'à un moment donné, il faut qu'ils fassent du pognon. Ces mecs, ils sont pas là pour la beauté du stade de Chelsea ou de Strasbourg, hein, ils sont là pour faire du pèse. ça part mal. Ils peuvent évidemment se rattraper, mais pour l'instant, ça part très mal. Et les supporters leur font comprendre que, en tout cas à Strasbourg, une grande majorité. Donc là, c'est important aussi. Il y a eu un communiqué qui est sorti par les ultras. Il y a un autre communiqué qui est sorti par le Comme Ciel et Blanc. Par la Paris Intersection qui sont sortis. Donc en fait, là, il y a quand même une unanimité. On va dire des associations pour dire que ça va pas. Même des personnes qui sont plus ou moins des supporters et qui sont pas organisées en tant qu'association. Donc il y a quand même une unanimité là-dessus des supporters, même si il y a des gens sur certains réseaux qui font croire que non, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, justement pour parler de ça, parce qu'il y a des gens qui critiquent, qui pensent que c'est une mauvaise idée d'exprimer sa désapprobation en tant qu'association. Ce qui est quand même important dans l'histoire, en disant que ça va miner le moral des joueurs, c'est que les joueurs, clairement, ont dit, et on a redit qu'ils se sont donné le mot, en interview d'après-match, Delaine Gilbert au moins, ont dit qu'ils ont très bien compris que la colère, c'est pas contre les joueurs, ils l'ont répété. Donc déjà, il n'y a pas cette histoire de cassure, seront-nous vent, que ça n'est pas... Il y a eu deux éléments aussi, c'est qu'il y a eu une rencontre entre supporters et joueurs, ouais. Et il y a eu une énorme banderole au match de Monaco aussi, ouais. Pour leur expliquer clairement à l'échauffement que à partir du moment où les joueurs donnent sur le terrain, pas forcément performent en termes de résultats, mais donnent leur maximum. Exactement. Sur le terrain... Les supporters, comme toujours, quand ton équipe se donne mais perd le match, bah c'est reste du foot, c'est possible. Ouais, c'est possible. Mais il faut avoir donné. Il faut se résoudre. Ton gamin, il peut te ramener un 5 sur 20, il a été pas bon, mais il a donné au max de ce qu'il pouvait, voilà. Ouais. Tu vas pas accepter des 5 tous les interros, mais s'il a fait l'effort. Voilà. Ouais, mais l'exemple, c'est la saison. Tu mets une petite claque, mais amicale. C'est ça. L'exemple, c'est la saison 2010-2011 où, oui, on avait le pire du pire, enfin, on pensait avoir le pire du pire en tant que président, en tant que dirigeant. Et pourtant, sur le terrain, les joueurs, ils avaient beau être limités, mais ils se donnaient à bloc. Tout à fait. Et ils étaient limités. C'est la saison fournie, ça. C'est la saison fournie. Ouais. Bah ouais. Peut-être souvenir. La séance de le pénalty. Enfin, les. Ouais, oh là là. Quelle saison. Mais ils finissent quatrième. Oui, on finira sans doute pas quatrième. Non, ça va être un peu compliqué. C'est pas la même division. Ouais, mais c'est quand même important de le dire, parce qu'il y a quand même cette petite musique de. Avec les banderoles, ça fout en l'air le club, et c'est ça la raison pour laquelle on merde. Il reste plus que ça comme argument. Bah oui, parce que tout le reste, en fait. Eh bien, c'est faux. Il reste un argument. Et pourquoi ? Parce qu'on n'a pas quitté. Parce qu'on a gagné à Nantes. Spoiler. Ah, voilà. Oui, allons-y. Le catastrophico. On joue à Nantes qui est classé derrière nous. Juste derrière. Voilà. Et donc, du coup, on gagne ce match, ce qui nous fait qu'on est à 29 points. On a gagné 22 des 29 points contre des équipes qui étaient moins bien classées que nous. Ouais. Ouais. C'est possible. Mais c'est bien, c'est comme ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, la place où on est actuellement, c'est logique. On perd contre les équipes mieux classées, on gagne globalement des points contre les équipes moins bien classées que nous. Sauf Lorient. On a gagné contre Lille. Et ouais, donc il y a des exceptions, bien sûr. Mais on n'a pas battu Clermont, qui est quand même bien lâché. Voilà. Mais globalement, on joue à Nantes. Putain, Nantes, c'était. Nous, ça fait peur. Mais Nantes, ça faisait ultra peur. Alors, la deuxième mi-temps que Nantes fait, c'est rarement infâme. Surtout la deuxième. Ça ressemble pas un peu à la deuxième mi-temps que Nantes a fait l'année dernière, contre nous. Oui, on gagne souvent là-bas. Ça fait quelques temps que la Beaujoire est devenue un stade accueillant, alors que Monaco et le Parc, ça a longtemps été un des trois stades où on ne gagnait jamais. Et à partir du moment où on a fait sauter le barrage, on vient les violer à chaque fois à la Beaujoire, c'est horrible. Ouais. Alors que Nantes pourrait être européen s'ils n'avaient pas un public aussi hostile et une ambiance toxique. Tout à fait. Surtout avec les fumigènes qu'ils ont cramés pendant le match. Ah, mais un scandale, on voyait rien du tout. Ils pensent aux gens qui payent. Les commentateurs, au début, on trouvait une excuse aux supporters. Bon, à la fin, ils ont dit bon, trop, c'est trop. Non, ils n'ont pas dit ça. Très, très bon commentateur. C'est Julien Brun qui a critiqué les fumigènes à la fin sur l'énorme craquage qui fait qu'à 5 minutes de la fin, tu voyais absolument. C'est moins bien que le médecin, quoi. Mais Juju dirait pas de mal. On salue Julien Brun. Bien sûr. Qui nous écoute. On t'embrasse. Oui. Avec Gamero qui met son 30e. Ah oui, alors Gamero. Ça démarre à deuxième, troisième. Deuxième, troisième, ouais, super rapide. Premier centre, bim. C'est Naya. D'un enfant de Saint-Louis. Ouais. J'ai déjà dit 100 fois, son frère est encore au lycée. à Saint-Louis. Prof. Gamero qui n'a pas réussi à mettre un but, son centième but à la Meno, on sait pourquoi. Ouais. Bah, Gamero qui a marqué ses trois buts à l'extérieur. Ambiance toxique. Ambiance toxique. De toute façon, la réponse est toujours ambiance toxique quand il arrive. Ouais, donc, bah, but sympathique, enfin, un but. Sans de pauvre poteau, déviation, le gardien et le défenseur aux fraises. Ouais, mais du football. Et ben, belle course sans ballon de Gamero pour se placer. C'est bien l'expérience. Hein. Ouais, exactement. Ça fait un peu d'instinct. Mais du coup, la génération 87. Le début de la mi-temps, on se dit, bon, tu marques, globalement, on a plusieurs occasions qui s'enchaînent. Et la fin de mi-temps, c'était pas tout à fait la même. Bah, ils égalisent à la demeure de jeu. Et le but est horrible. Mais horrible. C'est Naya qui essaie de dégager, ça. Ah oui, c'est vrai, il est très horrible. Sur Cortés, c'est Naya, un enfant. Comerte. Un enfant de balle. Comerte. Ah ouais? Ah oui, Marc, oui, pardon. Mon voisin, quand je regardais. Exact. Tout à fait. Ouais, donc il a pas fait exprès. Défenseur de Saint-Louis qui dégage sur le défenseur de balle. De balle, voilà. Trois fois. Comme par hasard. Le stade de la frontière. Ouais. C'est encore une contribution de Saint-Louis à l'économie valoise. C'est ça. Putain. Et là, on se dit. Incroyable. Et puis surtout, on manque d'en prendre un juste avant la mi-temps. Il y a une énorme occasion. Oui, c'est vraiment, c'est chaud. Moi, de Mostafa Mohamed. Oui. Et que j'ai sur mon petit gazon. Voilà. Je suis sorti. Mais t'as toute la ligue un peu souvent. Et c'est la multipropriété. C'est... Du coup, à la mi-temps, bah, tu fais pas le fier. Tu dis que t'as bien démarré, mais que tu prends. Et en deuxième, voilà. Bah ouais. Bah quoi. Waterloo. Bah non, c'est surtout Nantes qui s'écroule et qui laisse de nouveau le ballon à Strasbourg. Et à force de faire, on a le doublé du futur Ballon d'Or 2000. Pibédéo. Ouais. Sur le premier, il a quand même une chatte de mammouth. Hein. Ouais, parce qu'il. Non. Il sait se placer. C'est tout. C'est non, l'espace. Non, c'est pas le fait qu'il se place. C'est le fait qu'il frappe. Il attend alors que Gamero est tout seul. Il attend, il lui fait pas la passe. Et il prend la frappe. Et la frappe, elle est merdique. Elle est déviée par un mec de Nantes. Et il prend plus ou moins. T'es partial là-dessus. D'ailleurs, il compte pour la méga ou pour la méga. Parce qu'il est. Parce qu'il est cadré. Est-ce que la commission s'est réunie? La commission, elle a validé. Alors, Jean-Luc. Ouais. Et puis après, un deuxième. Un deuxième qui est plutôt pas mal pour le coup, il emmène bien le gardien à l'extérieur. Là, on est, ouais, il faut dire. À mon sens, c'est le deuxième but de Méga après celui de Montpellier. Il ressemble à lui. Où il fait un vrai geste d'avancement qui est bien. Mais sur le premier, il se foire un peu dans la conduite de balle. Non, on en revient un peu à ce qu'on disait après sur Radio Stube. C'est que finalement, certaines bases du foot, comme les contrôles, la justesse dans les passes, il l'a pas. Par contre, après, il est capable de mettre des buts. Un peu comme Mamadou Bagayoko à l'époque. Mmh. Oula. La comparaison avantageuse. Autre joueur qui jette son maillot en partage. Aussi. Mais lui, avec le partage qui va, ouais, ça revient. Donc doublé des mégas, 3-1, ouais. et Nantes qui s'est écroulé, mais alors. Bon, on n'a pas parlé quand même de la super relance du défenseur de Nantes sur le deuxième. Ah, c'est ça, Strasbourg. Oui, aussi, oui. Et c'est magnifique. Ça, moi, j'espère que monsieur Laurent Stewart a repéré ce joueur pour la saison prochaine. Figure-toi qu'il a 18 ans. Mais justement. Mais oui, mais ça, c'est pas mal. J'espère qu'on l'a repéré pour le faire signer parce que des relances comme ça, c'est siliesque comme le relance. Qu'est-ce qu'il devient? Il est toujours blessé? Ouais. Abakar Sylla? Ouais. Oui, bien sûr. Ah, ok, mais c'est diplomatique. Attends. Oui, c'est vrai. On est encore un peu loin, mais ouais, Abakar Sylla, meilleur salaire du club. Non, il parle de nom d'abord, finalement. Ah oui, de nom, Gourvanek viré. Bah, écoute, non, c'est très joli. Gourvanek viré, c'est un de plus sur la liste des mecs qui sont virés après avoir perdu contre Strasbourg. Le tableau de chasse du Racing est énorme. Ouais. C'était Thierry Loury qui était spécialisé à l'époque, mais c'est perdu. Pour un peu plus cher, mais. Et en plus, remplacé par Comboiré, hein, les mecs sont. Comboiré qui avait été viré après une défaite contre Racing. C'est ça. Et Comboiré à la place. Comboiré qui, 5 jours avant, a fait une interview, je crois que c'était dans l'équipe, où il dit moi j'aimerais bien retourner. Enfin, il le dit pas comme ça, mais il dit que non, c'est pas si mal, il s'y verrait bien. Bah, il a mis de la barre. Il faut toujours être prêt de son futur job. Il fait un appel du pied, appel masqué. Voilà, mais sinon. Là, on se rassure en se disant, il y a des équipes plus mauvaises que nous. Ouais. Et elles sont même pas en multipropriété. Le mec, il fait exprès de choisir d'être mauvais. En monopropriété, un débilos, mais. Ah, quitter en multipropriété, ça devrait être pas mal. Hein. Mais il devrait racheter un club, Valdemar. Oh putain, s'il se mettait avec Blueco, on pourrait avoir vraiment un truc de fou, quoi. Un combo. Blueki. Ouais, Blueki. Il arrive, il dit, moi, j'ai 15 ans d'expérience, ou je sais pas combien. Pardon. Ça fait une nerve. Combien de temps? Non, mais tu disais des équipes plus mauvaises que nous, c'est ça? Oui. En fait, j'ai regardé sur cette année, il n'y a pas d'équipe plus faible que nous. Hein. Enfin, oui, sur 2024, on est dernier. Ça, c'est parce que tu crois qu'on est en 2024. Mais qu'est-ce qui te prouve qu'on est en 2024? C'est peut-être les UB90 qui te font croire. Donc, là, je ne sais pas si c'est les UB90, mais le classement depuis la 18e journée, là, je crois que la 18e journée. Oui, on a gagné un match. C'est le premier match de la reprise en janvier à Marseille. On est dernier du. Oui, bah moi aussi, ça me comptabilise. On est quand même dernier, même avec la victoire. Ouais, bien sûr. Ah merde. On était déjà largués, hein, mais Metz fait mieux. Metz et Clermont, non, c'est des équipes qui sont. Bref, bah non, t'es un point devant nous. C'est parce qu'on n'a pas joué Clermont. Non, je calme. La Clermont a 9 points en 2024 contre 6 pour le Racing. Ah ouais, on est quand même derrière Clermont. Ouais. Ah ouais, hein, vous êtes calmé là. Moins chaud, il y a un petit blanc, ça se fait. Donc là, c'était la première victoire depuis 9 matchs, on était contents. On est toujours dernier. Et donc, bon, bah quoi, blessé, donc on parle. Non, c'est la trêve. Hein. C'est la trêve, ah oui, trêve internationale. Non, c'est la trêve. Il y a pas de match contre Karlsruhe là, pour la revanche. Et pendant la trêve, on a l'équipe qui sort son dossier habituel. De ses fils de puterie. Voilà, sur les salaires dans les clubs de foot de Ligue 1. Ouais. Donc aujourd'hui est sortie la page de Strasbourg. Alors on a des choses assez sympathiques, n'est-ce pas? Tout à fait. On commence par les joueurs. On peut faire un quiz. Combien gagne C'est ça le quiz? C'est le quiz des salaires? C'est dommage. Ah bah moi je l'ai pas lu donc je peux participer si vous voulez. Patrick Vieira, 200 ou 220 000? 220. 220, c'est beau. Et les 20 000, je pense que les 20 000 euros, il les a négociés encore. C'est en gros un quart de Luis Enrique. C'est le troisième entraîneur le mieux payé de Ligue 1. Sérieux? Oui. Plus que Hez. Il gagne autant que Fonseca, il gagne 70 000 de plus que Hez. Alors qu'il a battu Fonseca, c'est vraiment injuste. Ouais, enfin, il a pas le même CV que Il gagne 10 fois plus que Carlos Novel Martinez de Toulouse. Ouais. Bon, après, personne ne se disait. Ouais. J'avoue que, bon, d'accord. C'est entraîneur de Toulouse. Bah oui, Derzac Arian, il est à 30 000. Qui ça? Derzac. Après, Derzac Arian, moi, ce que je peux lui proposer, c'est qu'on négocie son salaire la prochaine fois qu'il retourne à Montpellier. Parce que je pense qu'il y a moyen d'avoir. On prend 10%. Hein. Et comme pareil, il prend quand même 100 000 avec Nantes. Hein. Et pour une intérim en plus. Oui, bah oui. Donc. L'intérim gagne toujours pas plus. Bah oui, non. Et Will Steele, il a pas le diplôme, donc il prend que 70 000. Ouais, et parce que Rasmus. Ouais, parce qu'il paye l'amende aussi. Ouais. Bon, alors, ça c'est drôle, mais au niveau des joueurs, quel est le joueur le mieux payé du Racing actuellement? Évidemment, la pépite Abakar Sylla, 145 000 boules. Mais c'est vrai qu'on aurait déjà pu dire qu'avant cette saison, cet été, on avait fait partir tous les gros salaires, finalement. Et même Gamero, qui était le plus gros salaire, a baissé ses émoluments. Moins 33%. Voilà. On n'accepterait pas ça. On dirait un chiffre du pays le français. Bah, il est passé de 150 000 à 140. 100 000. Non, c'est ça. Il était à 140. Il est passé à 100 000. J'ai un article sous les yeux. C'est pas montant 3, alors. Mais voilà, on a laissé partir des gros salaires, enfin des Diallo, des Cels, Bellegarde, Djikou. Et donc on aurait pu se dire. Sanson était hors de portée, ça c'est aussi un débat intéressant. Sanson est à plus de 200 000 à. Mais on le payait 100 000. Ouais. 210. 210 à Nice. Ouais. Et du coup, tel super doux, on aurait pu se dire. Super doux. C'est ce qu'il a dit. On aurait pu se dire, on recrute que des jeunes qui coûtent pas très cher. Mais moi, c'est ce qu'on m'a dit. Moi, c'est ce que j'étais vraiment persuadé que, du coup, ils étaient chers en transfert, et comme ils avaient encore rien prouvé, qu'ils étaient payés, pas 3 francs 6 sous, mais moi, je les voyais en dessous de 100 000. Tu peux te dire qu'un jeune joueur de 20 ans qui a fait que 6 mois en Belgique, où il était même à peine titulaire, jeune défenseur qui, voilà, tu peux passer 145 000 euros par mois. Moi, je voyais vraiment que le club adverse qui te le vend, lui, il prend le transfert, c'est pour le club. Le joueur a éventuellement une petite prime à la signature parce que pour le faire venir, mais qu'après, tu lui dis, écoute, on fait un contrat évolutif. La première saison, tu fais tes preuves et au fur et à mesure, tu grimpes en truc. Putain, et là, quand on voit l'article de l'équipe, ça fait peur. Mais évolutif. Les questions qui augmentent. Oui, c'est évolutif. Les questions qui augmentent. Plus 10% chaque année. Comme dans. Moi, j'ai envie de dire, impossible. Impossible que Sylla gagne autant. Après, les négociations ne partent pas de la même base, c'est-à-dire que les représentants des joueurs savent qu'ils négocient avec un fonds qui s'appelle Blueco. C'est peut-être pas la même situation de départ que si tu négocies avec le Racing. Marc Keller libre de ses mouvements, tu négocies longtemps déjà. Déjà, il n'y a pas d'argent. Marc Keller, il te dit. Et d'ailleurs, j'ai une question par rapport à donner les salaires, parce que vous allez les donner petit à petit. Pour le cas Angelo et les cas Santos où ouais. Chelsea en paye une partie, ouais. Est-ce que ce qui est marqué là, c'est ce que nous on paye ou c'est le salaire total? Non, c'est ce que nous on paye. Ah voilà. Au niveau de l'amortissement, ouais. J'ai pas compris ton histoire d'amortissement. Ouais. Bah, c'est un mécanisme comptable, mais ça on l'a déjà expliqué dans Radio Chou, donc les auditeurs connaissent. En fait, et c'est notamment en Angleterre. Les règles sont sur le site. Les règles sont sur le site. En fait, quand tu achètes un joueur au niveau de ta comptabilité, tu payes chaque année le montant du transfert sur ta comptabilité dans tes dépenses. Ah, le prorata de l'année. C'est ça. Donc un joueur de Chelsea, ils ont acheté 15 millions Angelo, ils l'ont mis un contrat de 5 ans. Donc c'est 3 millions. Comptablement, c'est 3 millions chaque année. Ça s'appelle l'amortissement. Ça, d'accord. Donc à la fin du contrat, il va en être comptable à zéro. Là, quand Angelo a été prêté à Strasbourg, le Racing paye cet amortissement. Donc paye en plus 3 millions d'euros à Chelsea. Ouais. Ce qui est avantageux en plus pour Chelsea, c'est que ce montant n'entre pas en compte dans le fair play financier. Petit avantage aussi. Mais donc, on paye à la fois une partie du salaire, ce qui peut intéresser Chelsea, même s'ils sont pas à ça près, et on paye aussi une tremble d'amortissement. Ils sont pas à ça près non plus. D'accord, mais c'est nous qui payons ça. Oui. Ah, c'est. Confirmé en haut lieu par... En qui de droit. Ouais. Enfin, je sais pas s'il a les mains libres, mais en tout cas, confirmé. Je parle évidemment de... D'accord. Bien sûr. Pareil pour André Santos, hein, c'est le même mécanisme. Ah, d'ailleurs, on n'a pas dit qu'il était bien à Nantes, Santos. Et qu'il était titulaire pour la première fois. Ouais. Bon, c'est con, mais maintenant on fait des suspensions de Sissoko et puis Manga. Ouais. Puisque avec cette équipe, on en a à regretter quand même quand Sissoko n'est pas là. Ouais. Mais je trouve que Santos a été sérieux. Au milieu du marasme, n'importe quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais Santos, pépite ou alors épiphénomène? Bah, il faudra plus de matchs pour le voir, pour le savoir. Excellente réponse de journaliste. Tout à fait. Merci Pierre. Wait and see, j'ai envie de dire. Et on n'a pas dit non plus qu'Angelo, c'était fini, à part a priori. Oui. Parce qu'on était sur Angelo et donc a priori, il est retourné à... Est-ce que c'est là? Ça n'a pas vraiment commencé non plus. Est-ce que c'est l'instant pubis? Ah, je sais pas si c'est l'instant pubalgie peut-être. Mais donc, ouais, il est retourné à la maison mère. À Chelsea, ouais. Enfin, chez les frères, sœurs, brothers. C'est les frères? Les frères écossais, c'est un peu plus au sud. Ouais, d'accord. Non, mais ouais. Non, parce que dans les articles, en anglais, c'est le club sœur. On est des clubs sœurs. Ouais, bah oui. Donc, oui, parce que les frères, c'est déjà pris. Ouais. Bon, bref. Pubis, alors, ou pas pubis? Pubis pour Angelo. Pubis, ouais. On en est à 3, c'est ça? 3 joueurs? Saï et Bellarouche, petite alerte au pubis. Tu aurais une constante dans le club qui pourrait faire qu'il y ait beaucoup de blessures au pubis? Apparemment. C'est aussi des lourdes charges de travail physique sur des joueurs très jeunes. Donc, ils n'ont pas encore une morphologie totalement adulte. Non, mais ce qui est vrai, enfin, c'est encore une fois, musculairement, ils sont pas. T'as pas la plénitude physique à 20 ans, quoi. Tout à fait. Exactement, vous préférez un jeune. Je pense que c'est le moment de poser une question Minitel. On n'a pas fait de question Minitel. Bah oui, mais voilà. On est déjà à une heure et des bananes. Batavus, sur le site racingstube.com, demande plusieurs cas depuis Belgique. Est-ce un effet secondaire, et je vais te lancer, est-ce un effet secondaire de la politique orientée vers les jeunes qui, c'est de leur âge, ne pensent qu'à baiser? Ah ouais, carrément. Il y avait un complément de Npazar aussi. Alors j'arrive, tu veux le complément de Npazar? Je sais pas si c'était sur ce topic. Mais... Non, c'est pas là, parce que moi je vais sur le topic radio, je trouve. En gros, il disait qu'il pense qu'à se palucher, mais voilà, c'est de leur âge. Très bien, bah voilà. Alors on va pouvoir débunker tout de suite les nombreux trolls qui peuplent le site dans YouTube, mais il semblerait que l'activité sexuelle n'ait aucun lien avec les pubalgies. Hein. Donc ça on peut le dire. Non, après plus sérieusement, donc c'est un sport, enfin c'est une blessure qu'on rencontre beaucoup dans le foot. Tout à fait. C'est un sport qui se passe beaucoup. Parce que dans le foot, tu frappes avec une jambe et qu'en fait, c'est un déséquilibre entre la zone au niveau de l'adducteur et puis la partie musculaire au niveau abdominal. Et donc, normalement, pour prévenir la pubalgie, tu fais du renforcement musculaire au niveau abdominal et tu vas faire des étirements de tes adducteurs. Mmh. Voilà. Et a priori, sauf si tu mets des reprises de volée dans ta partenaire, tu ne risques rien à... a forniqué comme un gros porc. Ça, voilà. Ça c'était connu au parc. Ah non, mais non. Ah, c'était pas sa part, non, c'est sa fille. Mais c'était partenaire. Bon, bref. Mais, non, mais... Partenaire particulier. Au-delà de ça, en avoir trois, soit c'est vraiment pas chance, soit effectivement tous ces travaux de enfin qui sont du plus préventif n'ont pas été en train de dire qu'on est en train de cramer nos jeunes. Exactement. Ça, je peux pas, on brûle le projet. Ça je peux pas y croire. Ouais. T'es en train de dire que les jeunes, il faudrait peut-être les faire rentrer à petite dose homéopathique plutôt que de les faire jouer toute une saison. C'est dingue, c'est ça, d'avoir peut-être des joueurs expérimentés quoi, un peu. Mais t'y connais rien au foot, les mecs qui sont à la tête de la multipropriété, eux ils connaissent le football, leurs résultats le démontrent. C'est vrai, ils ont de l'argent donc ils sont compétents sur Twitter. Évidemment. La compétence par l'argent. Exactement. D'ailleurs, dans la compétence, on peut rajouter l'équipe réserve de Strasbourg, par exemple. Ah ouais. Alors, c'est tout, voilà, fort. Tout de suite, les mauvaises nouvelles. Je voulais juste dire, parce que comme ça, on le citera, que Oli Cool, de Twitter, Oli exactement, cool. Avait demandé un avis scientifique sur le sujet. Et là, je pense qu'il l'a eu. Voilà. Docteur Alex. Voilà, donc, forcément des psoas. Et des muscles. Au niveau des fesses de la copine Angelo, c'est quoi la vie scientifique? Bah là, moi, c'est des lions. C'est... Donc tu disais la réserve. Bah la réserve, ça montre encore la compétence de tout ça, c'est que... Est-ce qu'on serait pas, je lance un débat, est-ce qu'on serait pas en train de sacrifier l'équipe réserve du Racing Club de Strasbourg? Oui. Bah, rappelle-nous la situation comptable de cette réserve. Bah c'est la merde, on est avant-dernier de N3, on a gagné un match sur les 11 derniers. Voilà, encore mieux que l'équipe. Masque une club. Alors il y avait un match nul aussi, donc ça fait seulement 9 défaites sur les 11 derniers matchs. Ok. donc c'est voilà, c'est un peu la merde. Après il y a plusieurs causes. C'est déjà la programmation des matchs fait que souvent t'as les jeunes qui sont sur le banc de la réserve, de l'équipe 1 ne peuvent pas jouer en plus avec la réserve, parce que typiquement quand on a joué contre Nantes, t'avais des jeunes qui étaient sur le banc, bah, qui forcément ont pas pu jouer le lendemain. Et ça arrive assez souvent. Ou quand tu joues le dimanche, ta réserve joue le dimanche, bah, forcément, quand t'as Rabien Zingula qui est la une, mais il est sur le banc, il peut pas jouer avec la deux. Donc t'as forcément des jeunes, encore plus jeunes en équipe 2. On a déjà aligné des moyennes d'âge de 18 ans. Enfin, il y a déjà des U17 qui jouent avec la réserve. Et contre des clubs, genre, Raon-l'Étape, Tarbes-les-Vosges, des derbies, quoi. Des derbies, mais t'as des Vosgiens. T'as des trentenaires en face qui t'apprennent la vie parce que t'as 17 ans et que, voilà, tu passes pas. Bah, c'est compliqué tout de suite. Et même une autre réserve, la réserve de 3. Multipropriété, mais leur réserve, t'avais des joueurs de 21 ans. Bah, quand des joueurs de 18 ans, ça fait déjà la différence. Ouais. Un jeune qui a déjà 2-3 saisons de senior, même en N3, bah, il est plus préparé qu'un jeune qui a juste 10 matchs en U17. Donc voilà. Une équipe pas prête, mais trop jeune. Ça ressemble, en fait, on forme vraiment l'équipe du futur, quoi. Exactement. Non, mais aujourd'hui, t'as 19 ans, t'es joueur du Racing, ton objectif, c'est de jouer en équipe 1. Oui, t'as plus envie de passer par la vie. Qu'est-ce que tu vas t'embêter à les jouer en réserve? Ça désacralise complètement l'équipe camion, quoi, parce qu'en fait... Avant, c'était la marche avant. Dans quel état de motivation, si t'as fait 5 matchs avec le groupe pro, tu vas revenir avec la réserve? À quel bout? Tu peux même pas, puisque l'équipe 1 n'ayant pas 15 ou 16 joueurs avec de l'expérience, forcément tu seras sur le banc. Oui, mais c'est de pire en pire, parce que plus t'as de blessés en 1, plus tu fais monter le joueur de la réserve... Et moins plus ils vont se blesser. Oui, parce qu'ils sont pas prêts physiquement. Enfin, tout est lié finalement. La réserve paye les pots cassés parce que en fait, il y a plus cette transition entre les 19 et la. De toute façon, de manière globale, quand les U ne vont pas, l'équipe réserve va pas non plus en général. Ouais, mais là c'est tout. C'est tout le club qui va. Là, c'est tout le projet de manière globale. On dirait que c'est géré en dépit du bon sens, quoi. Mais il y a un truc pour aller. On n'y connaît rien. Hein. Pour aller un peu plus loin, il y a aussi une tendance qui se développe. On en a un peu parlé sur le forum. C'est que t'as quand même quelques réserves, enfin quelques clubs qui décident de fermer leurs réserves et de constituer le groupe élite, hein, ce qu'on a un peu. Ah, le fameux groupe élite. Ouais. Au Racing, on a les deux. Enfin, un groupe élite qui est à peu près équipe réserve. Hein. Qui fait des matchs amicaux de temps en temps la semaine, mais qui joue aussi le championnat du N3. Par contre, je pense à Monaco, à Nice, eux, ils ont complètement arrêté leur équipe réserve. Ils ont que un groupe élite avec les meilleurs jeunes, et ils font des matchs amicaux en Angleterre, un peu partout à l'étranger. Et du coup, est-ce que Persic et Aoulou sont dans le groupe élite? Par contre, oui, on peut parler du dernier match. Aoulou est dans le groupe tout court. Non, non, mais c'était un peu exceptionnel le dernier match contre Troyes. Déjà, c'était à la Méno. Pourquoi, en fait? Parce que le terrain de Molsheim est impraticable. Ah. Donc, il y avait Aoulou et Dreyer. C'est de la colle, ça. Aoulou et Dreyer qui étaient, pour la première fois de la saison, on avait des joueurs un peu expérimentés en équipe. L'équipe 2, hein. C'était bien, mais Dreyer, je crois que c'était un bon choix. Ça s'est vu, là. Alors, ça s'est vu parce que Dreyer a pris un but à la 50e seconde de jeu. Et, ah, c'est, et à la demi-heure de. 50e seconde, ouais. 52, je crois. Ah. Et à la demi-heure de jeu, il fait une sortie un peu kamikaze dans les pieds d'un attaquant troyen qui se blesse gravement et qui est évacué par les pompiers. Carton rouge. Penalty. Pour l'attaquant troyen qui simule. Sur sa civière. Non, il a bien crié. Je pense que là, c'était un peu compliqué. Donc voilà. Et Aoulou, pour le coup, bah, qui joue tranquille, un train de sénateur, qui compte sur l'excellence salue à Mourabet pour compenser. Donc voilà. Donc les deux, même quand tu fais jeu d'expérience et d'équipe réserve, bah, ils foutent rien. Et forcément, bah, t'as l'équipe qui coule. Hein, Dreyer, il a pas rien foutu. Hein, tu vois, ça a été un acteur majeur. Hein, ouais. Hein. Et donc, alors, avec Dreyer, qui a un rouge. Ouais. Avec Ala Bela Rouche, qui a mal au pubis. Oui. Qui a mal au pubis. Avec Sels, qui est passé relégable, hein, du coup, en first. Ouais. Oui, mais ça, on peut en parler aussi. J'en veux, comme tout le monde, à Sels, j'en veux à Marquez, j'en veux à tout le monde, mais enfin, jouer la relégation avec la L1 ou jouer la relégation en première ligue, ben, Ah, mais ce serait la relégation en première ligue. Que le Racing se maintienne, mais que Sels descende. Vaut mieux jouer en championship qu'en Ligue 1, enfin. Ouais, voilà. Mais ça. Il faut se rendre compte aussi de la différence entre les deux. Vaut mieux jouer d'argent ou de football. Les deux. Le championship, c'est meilleur que la Ligue 1. Ouais, je pense. Tu penses? Je suis pas sûr. De ce qu'on a vu, nous. Ouais, bah, t'as plus j'en ai vu un paquet de matchs en championship, c'est quand même très mauvais. Hein. Bah, t'as plus de monde au stade, t'es mieux payé. Ah oui, ouais, ok, mais en show, il y a plus de show. Ouais, en foot pur, c'est quand même nu à chier. Ouais, mais finir ta saison avec une relégation symboliquement, en quittant un club qui se maintient, en gagnant une fois. Je pense qu'il est content d'avoir quitté Strasbourg parce que cet été, ça va être atroce. Ouais, mais ceci dit, bon, avec tout le respect, hein, Nottingham, c'est atroce comme bilan. Ouais, mais ils ont gagné deux Coupes d'Europe des clubs champions. Ah oui, mais c'est vrai, mais dans les années 70. Les 80. Ouais, oui, non, c'est vrai. Mais c'est toujours pas le même. Aucune Coupe de France et aucune Coupe de la Ligue. Exactement. Voilà. Et recentrons le débat sur l'équipe réserve. Oui, alors pourquoi? Après, on a plus ou moins fini. Et du coup, l'équipe réserve en danger ou. Voilà. Ah, oui, quel est l'avenir? Est-ce que on n'a pas fini sur les groupes élites? Un championnat des réserves? Est-ce que c'est le groupe élite? Ouais, on n'a pas fini sur le groupe élite. On a dégagé. Groupe élite, moi j'ai l'impression que c'est des modèles, tu sais, des top modèles pour moi. C'est ça. Salut. Non, mais. Alors, donc sur les groupes élites, la tendance monaco-nice dans l'équipe réserve. Et je me demande si le Racing sportivement finit relégué en régional 1, en CNDH, si on ne tendrait pas vers ce modèle-là. Ouais. Parce que voilà, ça. Bah, probablement. On a déjà eu des matchs à Chelsea, justement, de notre groupe. Oui, bah, le groupe élite fait des matchs amicaux. On en fait aussi contre Monaco. On a fait un match amical une fois. Enfin, il y a quelques-uns comme ça, contre Nice d'ailleurs. Mais. Contre voilà. Le groupe élite. Ouais. Donc, est-ce que c'est un intérêt? Est-ce que les mecs de Chelsea vont être contents que la réserve de Racing joue de nouveau contre Et quel est l'intérêt? Rappelle-nous brièvement l'intérêt du groupe élite. Bah, c'est offrir plus de temps de jeu à ces jeunes. Ah, oui. Donc, au lieu de les faire jouer une fois par semaine, ils les jouent deux fois par semaine. Donc, pour leur physique, c'est très bien aussi d'ailleurs. Et de faire des séances supplémentaires. Surtout, c'est de rayer au but. Donc, les faire progresser individuellement pour avoir des joueurs finis plus vite pour derrière les commercialiser, tout simplement. Mmh. Un peu. Poulet aux hormones. Ouais, alors faire une espèce de petite méno là à côté du stade pour faire jouer la réserve n'aurait plus vraiment de sens en fait. Non mais ça n'a rien à voir. C'est un projet qui n'a pas été retenu. Ah oui. Ah, c'est fini la petite méno à côté du stade. Mais non mais ça c'était un projet qui n'a pas été retenu. On en parlera off, je vous expliquerai. Et donc on n'a plus de gardien. Non, comment? De quoi on parle? Bela Rouge, Fumi, Dreyer suspendu. On manque de beaucoup de choses, mais on ne manque pas de gardien. Non, mais c'est simple, on doit encore parler on de Alexandre Pierre, Pierre. Et ensuite, on peut parler d'Alexandre Pierre quand même, qui peut jouer contre Rennes, qui va en sélection, à Haïti. Voilà. Le faire en sélection quand vous écouterez. Est-ce que le match a été à Haïti? Alors, je sais pas s'il est à Haïti, par contre, faut qu'il se méfie des barbecues. Faut qu'il se méfie de, c'est plus safe. Ouais. Parce qu'il y a des barbecues en ce moment en Haïti, c'est... T'imagines s'il y avait un mec chez les Ultras qui s'appelait Barbecue et qui réclamait l'élection marquée là. Enfin, je vois un mec qui pourrait s'appeler Barbecue, hein. Qui est leader des Ultras, mais... C'est scandaleux. Voilà. Donc, on revient sur Alexandre Pierre. Alexandre Pierre qui ne reviendra jamais, probablement de son match, hein, je sais pas. En l'état, c'est très peu probable. Mais est-ce que tu penses que les ultras ont créé un coup d'état à Haïti? Si, je pense. Je pense. C'est vrai. C'est hostile et toxique, ça. Ouais. C'est, donc, à mon avis, c'est, voilà, c'est donc, clair. Donc, au niveau du truc. Oui. Qu'est-ce qu'il nous reste après Alexandre Pierre? On parle de Walid Nasby. Eric Kassar. Kassar. Ah, il peut faire une pige. Hein. Donc, Walid Nasby. Asby. D'accord. Ok. Walid Asby, super Walid, donc, voilà. Et après lui, je Walid. Gabin Sabatier, Ryan Tutu. Ah, c'est le fils à Desmond. C'est sur code manager quand les noms se régénèrent automatiquement. Oui, c'est ça, quand t'arrives en 2040, t'as plus l'état des joueurs. D'accord. Il y a Hugo Raoult après. Non, mais on a combien de gardiens? Bah, il y en a dans toutes les catégories. Non, mais là, t'es obligé de jouer avec un gardien. Oui, là, t'en as eu 13. Ouais. T'es obligé de jouer avec des gardiens, donc. Ouais, jusqu'en 13. Ah, est-ce qu'on t'est marrant? C'est coupé. Alors, voilà. Moi, j'ai entendu des mecs à Chelsea qui disaient que ça gâchait le sport. C'est pour ça que le reste ne marquait pas. Qu'en plus, ça faisait des maillots d'une autre couleur, c'était un chiant à gérer. Mais bon, est-ce qu'on parle des maillots? Est-ce que... Ah, une question maillot? Ouais, il y a une question maillot? Oui, mais bien sûr, il y a réellement une question maillot sur le site Racing Stube. Quelqu'un qui dit, alors je vais essayer de le... Voilà, c'est Baco. Sur mon site Racing Stube. Tout à fait. Est-ce que Radio Stube a des infos sur le futur maillot du Racing? A-t-on toujours besoin d'avoir autant de sponsors présents maintenant qu'on a l'argent, soi-disant infini? Et des échos sur le futur maillot? Moi, on m'a dit qu'il était super magnifique, mais ouais. C'est un mec qui dit ça tous les ans, et donc, je pense que tu le connais aussi? Ouais. J'ai entendu que c'était le plus beau depuis longtemps, mais après. La seule certitude qu'on a, c'est que c'est un maillot qui n'est pas un maillot catalogue Adidas. Ouais, ah, ça y est. On est arrivé dans la case où c'est un maillot. Ils ont fait le maillot catalogue. Par un designer original de Adidas. Maintenant, voilà. Et on nous a dit que le maillot domicile était très bien. D'accord. Sans avoir vu de photo, donc on ne sait pas. Et voilà. Et que, en tout cas, le maillot domicile devrait plaire. Ok. Voilà. Bah écoute, on aura plus besoin de. J'ai hâte. Oui, c'est ça. J'ai hâte. Est-ce qu'on a d'autres questions Minitel? Parce que je sais qu'on a parlé du salaire, on a fait Patrick Vieira, on a un petit peu balayé le spectre de choses. Avant le quiz de Monsieur Cachot. Ah putain, il y a le quiz. Ah, oui, ah, ouais. Attendez, ouais, question. Ouais, question pour la route. Une petite question de la. Alors ok. Pour la route, pour. Non, celle-là non. Celle-là non plus. Rose 3. Non, bah écoutez, il y a Rose 3 sur Twitter, il en a posé 500, donc Rose 3. Il y a ma mère qui m'a dit qu'il vécu poser des questions, mais c'est pas des questions, il vécu, c'est des affirmations. Ouais, on les lira s'il faut, on fera dans les bonus. Alors. On nous demande, quelle heure d'émission est-ce devenu du premier degré? Question de Rosemont. On n'a pas fait quelle heure d'émission. Ni trahison. Quelle heure de trahison. Ah, il y a eu, ça a été partagé. Hein. Personne n'est convaincu en fait. Trahison, quelle heure, trahison ou démission. Démission et après. Restez pour partir. Si Keller part et Blouko reste. Alors moi, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que Blouko serait venu si Keller avait démissionné? On a déjà parlé de ça. Ah bon? Bah là, c'est une garantie. Le maître du château. C'est un mec qui est président d'un club de foot. Et bon, après, il y a la guerre. Ouais, je ne sais pas comment tu fais parallèle avec le livre. Bah, c'est l'Uchronie. Oui, bah, ouais. Marc Keller n'est pas président du Racing. Il n'y a pas de nazi. Ah, désolé. Par contre, l'enregistrement, il manque des minutes, là, t'as vu? Ouais, j'ai dit, mais là, il manque encore, ouais. Ouais. Ensuite. Ça, c'est question technique, ouais. Houston, ouais, renvoyez la sonde, là. Parce que ça a un problème. Il y a Rose 3 qui demande encore, le boycott au stade, jusqu'au match contre Metz, est-il trop tard? Je pense que ça veut dire. Il n'y a pas de boycott. Est-ce que c'est trop tard pour organiser un boycott jusqu'au match contre Metz? Je pense que c'était un beau jeu. Oui, peut-être. D'accord. Oui, peut-être. Superbe. Sachant qu'il n'y a pas un boycott, mais contre Rennes, il y a une marche qui est en cours. Vous avez vu, est-ce que vous jouez aussi à Duck Hunt? Non, mais j'ai découvert sur NES, c'est vrai? Hein, qui jouait à Duck Hunt sur NES? Ah oui, moi j'avais aussi. Avec le biscuit? Ouais. Oui. Ah ouais, j'ai joué. Il y avait l'annonce, là. Oui, pardon. Oui. Alors, pardon. Match contre Rennes. Oui. Le dimanche de Pâques, il y a une marche qui est organisée contre Blouko. Tout à fait. Est-ce que c'est une marche gourmande? Oui, il y a une chasse aux œufs en même temps. C'est ça. Moi j'aime bien les marches gourmandes. Moi aussi. Moi d'ailleurs personnellement. Moi je suis inscrit. Mais du coup rendez-vous au local Fédé où il y aura des sandwichs. 15h. 15h. Ouais. 15h c'est le rendez-vous pour le départ de la marche. Mais vous pouvez venir au local Fédé. Si mamie vient avant Gigo, venez à 14h et consommez. Ouais. Non mais si mamie Gigo est trop petit, tu prends un petit sandwich à Truc Fédé. Tu parles à Kéric, il va te vendre 4 tartes flambées et 2 bouteilles de vin au cas où. Voilà, mais il faut consommer. Non. Ah oui. On dirait du Marquella. Ceux qui sont pas convaincus par le projet Blueco, rendez-vous au local Fédé. Mais même les autres. Même les mais autres. À midi. Celui-là à midi. Et même si vous êtes convaincus, venez en parler. Mais oui, venez en parler. vous serez accueillis dans une ambiance amicale. Pas hostile ni toxique, tant que vous payez. Repousse ce couteau là. Tant que c'est pas dans le stade. C'est ça. Et non, mais ça va être chouette. Ouais. Et nous, on sera tous là. Ah bah oui. Ouais. Tout à fait. Moi, personnellement. On tenait l'autographe de JS. J'écourte mon. Moi, je fais le repas la veille, mais. Bah tu l'écourtes quoi. Ouais. Ouais, ma mère va refaire manger. Ah non, bon, bah oui, on sera tous là, bien sûr. Voilà. Ça va être génial, hein. J'espère qu'il y aura des mignonnettes de schnapps de Eric Cantona. Ouais. Ouais, ouais. Puis, c'est quand la dernière fois qu'on a fait ça, là, de partir de la Fédé? C'est pour les 79, le titre. Ouais. Ça, c'était Yalan. Non, c'est la célébration du titre. Ah ouais. Pas le titre de 79. Ouais, c'était pas le local. Donc, ça va être chouette. Bah oui. Il y aura plein de gobelets en carton, j'espère, c'est ça. J'espère. Voilà. Mais après, alors, autre question ? Il y a le quiz. Le quiz, donc pas d'autres questions, d'accord. C'est moi qui pose la question. Ouais, vas-y. Est-ce qu'il y a un thème sur ce quiz caché ? Ouais. Il n'y a pas de générique. Le thème. C'est le quiz. Est-ce qu'il y a de la bière pour répondre au quiz ? Parce qu'il y a plus de bière de mur. C'est vrai qu'on est. Vous n'avez même pas essayé les chips. Normalement, elles sont bien. Oui, on pense à Rack, moi. Ouais, d'accord. On n'a pas besoin de chips. Le quiz, c'est très simple. Ah merde. Comme d'habitude, hein. Évidemment. Alors. Mais on n'y dit pas plus. Ça concerne tous les matchs Strasbourg contre Paris, à la Méno, depuis la remontée. Me citer tous les joueurs. Oh, putain. Mais absolument tous les joueurs qui ont participé au moins une fois, au moins une seconde à ce Strasbourg-Paris. Et comme c'est les Jeux Olympiques bientôt, c'est un 100 mètres. Le premier qui trouve 6 bonnes réponses, à tour de rôle, bien sûr, ouais, remportera ce fabuleux quiz. Et quand tu dis tous les joueurs, c'est parisien ou Strasbourg? Non, de Strasbourg. On s'en fout du reste. C'est ouais. Strasbourg. Ok, solo Strasbourg. Sachant que si vous nous donnez un buteur strasbourgeois, toujours, ouais, et contre son camp ne compte pas, même si on n'a pas vu. Vous avez une vie, vous pouvez répondre deux fois. C'est compliqué. De toute façon, c'est truqué, voilà. C'est clair. Passez à ma gauche, à tort commence. Ouais, comme ouais, un joueur. Comme un hasard. Ouais. Oui. Stéphane Bauken. Il y en a normalement 50, les trois premiers tours iront très vite. Et, bien entendu, photo finish si plusieurs arrivent à 6, leur à 6 bonnes réponses lors du même tour. Stéphane Bauken. Bonne réponse et il a marqué. Oui. Julian. D'Acosta. D'Acosta, une bonne réponse, oui. Il a marqué. Je vais dire Alexandre Oukidja. Alexandre Oukidja, bonne réponse. Et il a pas marqué merde. Et ben Bigourou Camara. Bigourou Camara, effectivement, il a pas marqué. Et il a pas fait tout le match. Et il a pas fait tout le match, mais il a joué une seconde minimum, donc il rentre tout à fait dans ce cadre-là. Absolument. Belarouche. Belarouche. Ah, mais t'étais là. Toujours pas marché. Ouais, on s'attend pas dessus. C'est au parc aussi? Non, c'est juste à Strasbourg. C'est à la Méno. J'avais un buteur au parc. Oui. Bon, bah, Liénard alors. Liénard, bah, bonne réponse, effectivement. Bah, Moïse Saï. Moïse Saï, effectivement. Ah, tu mets que des buteurs, toi. Bah, je gagne des vies. Ah non, il avait marqué où? Au parc, il a marqué à Méno. Sans spectateur, c'est pour ça que personne s'en souvient. Non, à huis clos. Ah oui, mais c'est pour ça que j'ai vu à la télé. C'est parce que c'était à huis clos. J'avais l'impression que c'était là-bas. Il y en a un qui est marqué au parc, encore là. Oui, c'est pas moi. Donc, yes. On a un seul Perrin, évidemment. Évidemment. J'ai quand même mon seigneur. Kevin Gamero, et qui marque, bien évidemment. Gilbert, évidemment. Le frère Wilbert. On est sur les fastoches. Hein. Eméga. Il joue. Eméga, effectivement. Il joue tout le temps. Il joue tout le temps, Eméga. C'était facile. Ouais. Du coup, à Oulu, il a marqué le parc. En Coupe de France. Ouais. Ah, mais c'est pas le parc. Ouais. J'essaye. Ça, à Oulu, effectivement. À Oulu qui avait marqué au parc lors de la première année, le 5-2, je crois. Ouais, Coupe de France. Coupe de France ou non, Coupe de France, il marque aussi, je crois. Non, je crois pas. Bon. Il est tellement fort. Je comprends pas, c'est toujours. On devrait l'enfoncer. Attention, on se perd des vies, hein, des infos. Adrien Thomasson, c'est une bonne réponse, effectivement. Ah, je sais plus qui est. Ah, mais fort, là, mais trop fort. Hein. Bakwa ? Bakwa, effectivement, et qui marque. Hein, bon, je veux dire, Manga, alors. évidemment. Effectivement. Bon, alors je tente Jonas Martin. Jonas Martin, on a des vrais joueurs, quoi. Non, mais moi, je... ouais. C'est une bonne réponse. Ensuite. Abakar Sylla. Abakar Sylla, c'est une bonne réponse. On a dit les vrais joueurs. Voilà. Avec des bonnes réponses, hein. Enfin, Angelo, alors. Angelo, effectivement. Tout le monde, donc on a fini 3 tours, et à la surprise générale, tout le monde a 3 bonnes réponses. Ah, ouais. C'est fou. Ludovic Ajork. Ludovic Ajork, oui, c'est une bonne réponse, effectivement. Cels, on n'a pas aussi Cels. Non, effectivement, Cels, effectivement, qui a joué. Oh, on a perdu un doigt au passage. Gonçalves. Gonçalves. Ah bah ouais, mais qui marque au parc. Non, mais c'était qu'à la Meno, les marques. Oui, mais... Ouais, mais il a forcément joué à la Meno. Non, mais non. Mais non, c'est impossible. Oh putain. J'ai une vie. T'as une vie. Oui, c'est vrai. Effectivement, mais je peux citer un autre joueur. Ah, tout de suite. Ah ouais, c'est cash. Ah ouais, tout de suite. Le début de ce que tu viens de dire. Alors, je joue l'expo après. Le début, ce que j'ai dit. J'allais dire Gonzalo Belloso, oui, mais... J'avais exactement la même chose, en fait. Bien sûr, non, bien sûr, je connais tous les joueurs du Racing qui jouent actuellement au Racing, et je vais dire Habib Diarra. Habib Diarra. Si je fais deux faux trucs, là, c'est... on va croire qu'il connaît rien au foot. Ouais, ce serait terrible. Habib Diarra n'a pas joué. Oh, le Racing a joué. C'était énorme. Quel rebondissement, ça, c'est... Je tente Diallo, du coup. Bah, Diallo, effectivement. T'as une bonne idée. Bellegarde, il a joué. Bellegarde, il a joué aussi, effectivement. Bellegarde, il a joué. Bellegarde, il a marqué. Kader Mangan. Ah, je voulais. Ah oui. Kader Mangan, effectivement. Ça vaut un point bonus, je crois. Je l'avais. C'est un point bonus, toi, Kader Mangan. Au moins, c'est de... il est toujours dans l'organigramme, effectivement. ça marche. Bon, pour la beauté du geste, alors, un Issan Sako. Issan Sako, oui. Ah, non, mais j'ai une vie, c'est pour ça, je tente. Issan Sako. Ah non, Issan Sako, non, il n'a pas joué, non. Donc avec ma vie, je prends Thomas Delaine. Ah peut-être pas. Thomas Delaine. Ah peut-être pas. Il a beaucoup blessé. Thomas Delaine, ouais, c'est vrai. Non, il n'a pas joué. J'avais pas de vie. Tu trouvais le jeu trop difficile, mais c'est important. C'est ça, non mais je continue sur le panache. Idriss Saadi. Idriss Saadi, oui, bien joué. Roulian. Peut-être Senaya, non, il a pas joué. Senaya, effectivement, très très bonne réponse. Gigas. Sissoko. Sissoko, effectivement, hein, même si on parlait des joueurs de foot, mais c'est un bon. On le prend quand on le fait. On le prend, JP Darky. Alors, écoutez. Comment d'ailleurs. Je sais pas. Putain, pourtant, il y en a plein. Exactement. C'est ça, il y en a trop, je sais pas quoi choisir. On a dit il a dit Bellegarde, donc je vais pas dire Bellegarde. On a dit Baoukouetch déjà. Ouais. Putain. C'est horrible, j'ai un nom qui tourne, mais évidemment je sais que c'est pas bon, mais il me bloque tous les autres noms. Là j'ai Kamadi qui tourne, je sais pas. Et je sais que ça a vraiment aucun rapport. Pascal Kamadi, tu l'as remonté. Depuis 2017-2018. 5, 4. Non, bah, je sais pas, j'ai un blanc. Ça va pas bien. Je préfère rien dire que dire une merde. Oh, faut dire des merdes. Non, je. Et en plus, on peut même dire la réponse était. Non, j'ai un blanc. Motiba, il a joué. Motiba, il a joué. Effectivement. Et tu relâches. Bravo. Il y a les remplaçants aussi. Ah oui, il y a les remplaçants. Enfin, qui rentrent en cours de jeu. Voilà, tout à fait, c'est le principe du remplaçant. Je démarre pas. Non, mais un remplaçant qui ne rentre pas, du coup, c'est pas ça. Non, mais je veux dire Grim, il est rentré. Il est rentré. Pardon. Au bout de 5 tours, tout le monde a 5 bonnes réponses. Ouais. Bon. Pas moi. Sauf JP Darky qui en a 6, du coup. Ouais, voilà. Sauf à toi et moi qui en a trouvé. Attends, c'est décisif, alors. Voilà. Non, parce qu'après, c'est oui, après c'est la mort subite. Ah, après c'est mais tu t'es éliminé, toi aussi. Non, je continue sur le panache. Lamine Koné. Lamine Koné, c'est une bonne réponse, effectivement. Presque un bonus. Alors, du coup, moi j'aurais dit son copain, Mitrovic. Mitrovic, effectivement, qui n'a pas joué le même match. Mais qui a joué. Mitrovic, capitaine. Évidemment. Je tiens à signaler que le match en 2019-2020 n'a pas eu lieu pour cause. Est-ce que je peux proposer. Ah, mais tu joues. Un Lucas Perrin. Mais on l'a déjà dit, garçon. Éliminé là. L'erreur des débutants. L'erreur des débutants. J'ai quand même entendu. Vraiment. La famille Darky peut-elle sauver l'honneur? Bah, c'est toi, hein, c'est là, sur ouais. toi, hein, les épaules. Hein. C'est sur tes épaules. Ah, je vais le voir. Ça, c'est pas évident en plus. Ah, qui c'est qui a dit? Pour rentrer dans la mort subite. Bah. Putain. Ah, c'est pas facile. Hein. Ouais. Oh, j'en ai un lent tout d'un coup. Ouais, non, mais 2 ans, 5. Ça a dit, on a déjà dit ou pas? Oui. Ouais. Ah, bah, bah, il est. Au moins, t'en as dit un qui existe. Moi, j'ai juste un. Bah, Persic. Persic, Persic, Persic. Ah, putain, c'est une bonne réponse. Oui, mais... bah, non, donc, au bout de 6 bonnes réponses, Hathor, Roulian, Alex. Et Alex, vous êtes tous à 6 bonnes réponses. Du coup, maintenant, c'est la mort subite. Dès qu'il y en a un qui se trompe et que il est. Voilà. Eh ben, je vais tenter un Pablo Martinez. Pablo Martinez, et c'est une très très bonne réponse. Roulian. Lionel Carroll. Oui. Lionel Carroll. Ah, c'est une très très très bonne réponse. Bien évidemment. Ils sont bah, si on invente des joueurs aussi. Bon, je pense pas, mais allez, on le tente. Dimitri Foulquier. Dimitri Foulquier, Dimitri Foulquier. Dimitri Foulquier. Et non, Dimitri Foulquier n'a pas joué ce match. Je veux dire, Eric Maresper, c'est les mêmes, attends. C'est les mêmes, mais il n'a pas plus de jouer. Pas plus que Gauthier Pinault, et puis. David Guillaume Lacour, et Tommy DeJonge. Tommy DeJonge et Forest Bramien. J'ai un doute, il y a des lignes, quoi. À tort. Non, je ne reste plus que vous deux, en fait. Ouais, mais. Duel au soleil. Attends, je ne sais plus qui a été dit. J'avais pas de vie, non. Non, t'as pas de vie. Il y a un buteur qui n'a pas été cité. Ouais. Je vais laisser gagner Rouyenne. Bakary connaît. Bakary connaît. Bakary connaît. La feinte. Il dirait Marquer. Ouais, c'est ça. Oh, il va marquer. Rouyenne. Depuis la remontée. Ouais. Depuis la remontée, juste à la main. Hein. Oui. Putain, là, je suis à sec de. On l'a pas dit. Hervé sec. Il y en a un mot. Il y en a un mot. Mais je pense que t'as raison. Je sais quoi. Ah putain. Ah j'en ai un là. Deux, il en a un beau lui aussi. 3, 4, 5, 6. Ouais, il y en a plein. 7, ouais, il y en a plein qui me reviennent. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il en reste 15. Hein. C'est horrible. Non, je les vois pas là. Tu les vois pas? Non, là je les vois plus. La victoire d'Hathor. Ah, la victoire d'Hathor, ouais, mais... qui va gagner. Ouais, mais disant Justin pour le panache pour voir. Bah, je sais pas ce qui a été dit, ça me met un gros doute, Dimitri Lénard. Non, je l'ai dit. Dimitri Lénard. Perdu, bravo! On a tous gagné. Est-ce que Kenny Lala avait été dit? Kenny Lala! Ernest Seca! Seca Dance. Non, t'as dit. Ah, des joueurs qui ont joué avec la réserve, il y en a quelques-uns qui n'ont pas été dit. Il y avait qui encore, ouais. Qui joue à Mayence. Ah, bah, Cassi. Qui joue à Monaco. Ah, Cassi. Fofana. Il y a Carlo aussi. Qui joue à Sochaux. Ah oui, on n'a pas parlé. Zoé. Oh, on n'a pas parlé contre Monaco de Fofana. C'est con, maintenant on est à la fin de l'émission. Ouais, pourquoi? Bah, qu'est-ce qu'il est gros. C'est Ben Yedder aussi, tu remarques. Oui, Ben Yedder. Ben Yedder a toujours eu un gros cul. Là, ouais. C'est pour la prison, ça. Mais Fofana, c'est exceptionnel. Ouais, c'est la muscu. C'est l'équipe de France, monsieur. Il manquait quand même Shaïri, le marchand. Oui. Oh, Niamsi a été dit. Non, Djikou. Non, Djikou, ça c'est inacceptable, mais c'est un scandale. Bakary Koudou, bon, Dagba, c'est oubliable. Ah, mais Sanson. Béchik, Demangue. Tout le monde a le droit. En tout cas, belle victoire d'Hathor. Hein. Bravo. Je pense qu'il est temps de conclure pour finir sous le. On a perdu tous les enregistrements. Non, pas du tout. On a le backup. Mais en tout cas. Merci à tous. Allez Racing et Blue Corps enculé. Blue Corps enculé.